mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. L'heure a sonné de... Ça commence très bien, merci. Alors, ce que je voulais dire, c'était que l'heure a sonné de laisser de côté notre réalité et de pénétrer dans le monde du mystère, là où gisent plusieurs secrets que nous allons tenter de découvrir. Ce sera aussi intéressant de savoir si les forces ou les entités qui habitent l'au-delà cherchent eux aussi à découvrir ou à élucider les énigmes du monde de la réalité. Quelques-uns diront qu'on n'a pas vraiment besoin de savoir d'où viennent les extraterrestres, mais il faut quand même admettre qu'on est un peu curieux. Enfin, pour tout ce que vous avez toujours voulu savoir, mais que vous n'avez jamais osé demander, accueillons ensemble M. Daniel Kemp. Conan le barbare. Effectivement, c'est une belle introduction pour un phénomène comme au-delà du réel. Bon, alors on pourrait peut-être commencer par savoir qu'est-ce que le monde des morts. Bon, bien, on va commencer par, disons, juste aligner un peu le cadre dans lequel j'aimerais faire cette conférence, où justement on va aborder n'importe quoi. Alors, le monde de la mort, c'est un phénomène intéressant. L'homme est divisé en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a une partie chez lui qui intellectualise les choses, qui fait partie du côté cartésien de l'humanité, procède par la logique, par l'observation de ce qu'il appelle ses cinq sens, étant donné qu'il n'a pas encore conscience des autres sens. L'homme est limité parce que celui qui est sourd va dire que le monde ne peut être connu, si tu es intelligent, que par la vision des quatre sens. Il est sourd. Et chaque fois qu'un être humain va amener le concept du bruit, du son, de la parole, du chant, eh bien, celui qui est intelligent, qui marche par les quatre sens, va trouver l'autre complètement débile. Étant donné que l'homme a, disons, cinq sens, tout ce qui peut provenir de l'au-delà de ces cinq sens fait partie de des superstitions, souvent, des mystères, des phénomènes théologiques, des raisons d'être fou ou d'être évolutif. On parle du monde de la mort. C'est évident que l'humain, par ses cinq sens, peut constater la mort. Mais apparemment, l'humain, par ses cinq sens, de son vivant, ne constate pas le monde de la mort. Le monde de la mort, c'est théologiquement ce qu'on appelle le ciel, c'est aussi théologiquement ce que l'on peut appeler le nirvana. C'est une région planétaire qui est paramétrée par le centre de notre planète, aller jusqu'à la couche la plus éloignée de notre atmosphère. C'est le ciel. Le monde de la mort, c'est l'endroit matériel dans lequel va être stockée la mémoire événementielle de l'évolution des humanités et de tout ce qui existe dans ce cheminement écologique de l'évolution. C'est-à-dire que c'est l'endroit où est mémorisé dans la matière tout ce qui s'est fait, tout ce qui se fait. Et étant donné que dans le monde de la mort, donc dans ce ciel, il y a aussi une concentration de ces mémoires par affinité, chaque fois que des mémoires similaires sont enregistrées, elles ont une tendance à se déplacer, à se rejoindre. Cela crée des égrégores qui peuvent devenir tellement puissants qu'ils vont assujettir l'homme. Et l'homme appellera cela des religions. Et dans ces égrégores, il y aura des focus, des centralisations totales de certaines mémoires de l'égrégore. On appelle cela une identification. C'est ce qui, d'ailleurs, va créer l'ego dans l'âme de l'homme. Et ces égos d'égrégores vont être appelés dieux. Alors, nécessairement, on aura des dieux avec des noms différents, dans des égrégores différents, qui seront assujettis à être nourris ou adorés, faites ça comme vous voulez, par des cultes différents. Il y a des cultes qui disent qu'on doit tuer autrui ou enfin les infidèles. Il y a d'autres dieux qui l'interdisent carrément. Il y a des dieux qui ont besoin que l'être humain devienne une larve, rampe à terre, souffre, se plante des aiguilles dans la peau, se fasse brûler, jeûne énormément, monte à genoux des marches. Et il y a d'autres dieux qui l'interdisent parce qu'il y a certains égaux qui ont été constitués par des humains qui ont archétypé ces ciels de façon à ce que ces dieux reconnaissent un homme debout plutôt que reconnaître un homme plafond. Le monde de la mort, c'est l'endroit où l'âme se retrouve lorsqu'elle quitte le monde de la vie. Il y a le monde de la vie matérielle, celui qui est vécu par le corps physique. Il y a le monde de la vie sans matière, nous clamerons au ciel, là où un âme paramétré par son enveloppe, son séraphin, le périsprit, flotte après la sortie du corps physique, le clamerons au ciel où on peut, dans ce cas, toujours réanimer une personne qui est en arrêt cardiaque ou qui est plus ou moins morte. Et il y a le monde de la mort par lui-même, celui qui, vers laquelle, disons, se dirige l'âme, attiré par des lumières, enfin des mémoires qui viennent sécuriser l'ego pour que celui-ci se dirige vers le monde de la mort. Lorsque l'enveloppe de l'âme touche le monde de la mort, elle s'ouvre et tout ce qui fait constituer l'humain gagne le monde de la mort. Dans le monde de la mort, il retrouve ceux qu'il a aimés à jamais, c'est-à-dire qu'il se fusionne à eux, perdant complètement son identification comme il avait sur le plan planétaire, pour à un moment donné être rebooké sur le monde de la vie, dans un processus réincarnationnel pluralitaire, une gang revient bâtir un corps physique. Enfin, revient animer un corps physique. Or, le monde de la mort, c'est la mémoire. Le monde de la mort, il est constitué comme le monde de la mort dans l'homme, c'est-à-dire comme les parties psychologiques de l'homme. Psychologique voulant dire science qui étudie l'âme. Dans l'âme, il y a la peur. Dans le monde de la mort, il y a la peur. Dans l'âme, il y a la joie. Dans le monde de la mort, il y a la joie. Dans l'âme, il y a tout ce que vous connaissez, que l'on appelle psychologie, problème ou solution. Et dans le monde de la mort, il y a la même chose. Dans l'âme de l'homme, il y a l'identification suprême, le je et le moi. Et ce n'est pas ça qui constitue l'homme, mais c'est ce que l'homme pense être. C'est pourquoi, lorsque l'homme veut considérer d'une façon cosmique le phénomène de l'évolution, eh bien, à partir de ce qu'il pense être le je et le moi, il est toujours mal pris parce qu'il n'arrive pas à connaître un monde qu'il n'a pas en mémoire. Donc, il ne peut pas savoir un monde qu'il ne connaît pas. Et c'est pourquoi, lorsque l'homme s'identifie au je ou au moi de l'ego, ben, il se sent souvent petit, minable, microscopique. Alors, nécessairement, il essaie d'adorer. Qu'est-ce que l'homme fait? L'homme a toujours été une constitution mémorielle qui adore une constitution mémorielle plus grande. La preuve. Lorsque l'on rencontre un sage, celui qui a vécu 50, 60, 80 années de mémoire, eh bien, on le vénère. Plus une personne est âgée, plus on pense qu'elle est respectable à cause de la mémoire. Quand on rencontre une personne de 20 ou 20 ans, 20, 25, 20, 30 ans, qui a énormément de connaissances, elle a lu beaucoup, eh bien, on la trouve intéressante. Elle a de la mémoire. Lorsque l'on rencontre un savant qui connaît énormément de choses, il a de la mémoire. Alors, quand on regarde le monde de la mort, le ciel, qui est des mémoires akashiques, qui est des mémoires événementielles, qui datent depuis le début de la constitution de la planète, eh bien, l'homme adore ces choses. Il les vénère, il les divinise. Et pendant ce temps-là, bien, en haut, on ne divinise pas l'homme, mais on le divise. Alors, le monde de la mort, c'est énormément de choses, et dans ce monde de la mort peut provenir des mémoires qui auront la même fonction émotive que celle de l'humain dans un corps physique, celle d'évoluer. Parce que dans le monde de la mort, ça va évoluer comme dans le monde de la matière. Sauf que pour le monde de la mort, l'évolution est ce que nous appelons, nous, l'involution. Le monde de la mort, lui, a comme procédé d'évolution le fait de se réincarner. Dans le monde de la mort, on ne vit pas d'expérience neuve. Pour vivre une expérience, il faut un corps de chair. Et là, on vit de l'émotion. Dans le monde de la mort, on se rappelle de l'émotion, mais on ne peut pas vivre d'événements neufs. L'homme vit des événements neufs. Et le monde de la mort essaie donc de toujours manipuler l'humain, de se plugger à l'homme, pour pouvoir diriger l'homme dans des événements à faire, pour que l'homme se casse la gueule, crée une émotion qui nourrit le monde de la mort. Donc, du monde de la mort peut provenir les mémoires des maîtres, les mémoires des entités qui ont déjà parrainé l'évolution de la planète, les Melchizedek, etc. Du monde de la mort peuvent provenir des mémoires colorées de ceux qui, avec qui nous avons vécu et qui sont décédés. Une personne va dire « Mon grand-père, il est venu me voir dans ma chambre. » Non, non, c'est une mémoire de ton grand-père, c'est pas ton grand-père. Ton grand-père a bien d'autres choses à fouetter que venir te voir dans ta chambre. C'est une mémoire. Et on peut poser la question « Pourquoi elle est venue, etc. » Bien, si on la pose, on y répondra. Mais pour l'instant, disons, on peut juste savoir que du monde de la mort viennent 95% des manipulations qui obligent l'homme à être ce que l'homme est, c'est-à-dire un être intelligent qui a totalement oublié qu'il était intelligent. Alors l'homme, il est convaincu qu'il ne peut pas. C'est facile de convaincre quelqu'un qui ne peut pas. C'est drôlement plus compliqué de le convaincre qu'il peut. Alors du monde de la mort provient de la pensée. Lorsqu'un humain veut se coucher, il veut dormir, il ne peut pas, ça pense dans sa tête. Mais c'est ça, c'est pas lui qui contrôle la pensée. Lorsque une expérience apparemment traumatisante est arrivée, elle cesse de revenir. Elle continue continuellement de revenir. Eh oui, le monde de la mort s'en nourrit. Alors, il a besoin d'un humain pour l'énergiser. Et puis, ben, il ramasse quelqu'un et puis lui fait revivre son accident ou son traumatisme. Et la personne, elle essaie de chasser ses idées. Alors, imaginez-vous ce que c'est. L'humain est manipulé, c'est écœurant. Il faut même que l'humain mette de l'énergie à chasser ses idées. Mais le problème, c'est que bien souvent, l'idée de chasser les idées provient aussi du monde de la mort. Et c'est pourquoi l'humain ne chasse rien. Penser à rien, c'est comme penser à quelque chose, tu penses. Ne pas penser, c'est tout à fait autre chose que de penser à rien. Mais l'humain, assujetti au monde de la mort, dans certaines techniques, veut apprendre comment penser à rien. Ben, c'est aussi pourri que s'il pensait une fleur. Et si l'humain veut ne plus penser, bien souvent, il pense vouloir ne plus penser. C'est pourquoi il n'y arrive pas non plus. Évidemment, il y a des moyens. Parce que l'homme est autre chose qu'un véhicule relié au monde de la mort. Mais 95% de ce que l'homme pense à être provient du monde de la mort. Mais est-ce que je peux savoir le 5%, c'est quoi? Le 5%, c'est de l'instantanéité. C'est ce que j'appelle l'intelligence supramentale. C'est ce que les théologies appellent l'esprit. C'est une partie chez l'humain qui oblige l'homme ou la femme ou l'enfant. C'est ce qui lui permet de rester en vie lorsqu'un événement 100% neuf vient se placer devant lui. Si le monde de la mort, donc les manipulations au niveau de l'âme, de l'astral, n'omnibule pas complètement le contact avec l'esprit, l'humain va se sortir de démarches totalement neuves et il sera lui-même épaté de constater qu'il a réussi à s'en sortir. Parce que l'ego est épaté de remarquer qu'il s'en est sorti. Mais c'est pas l'ego qui s'en est sorti. Par contre, le véhicule au complet avec une partie de ce « je sais » s'en est sorti. Parce que l'humain est divisé en deux choses. Il est divisé en ce qu'il connaît et en ce qu'il sait. Il connaît sa mère, il l'a mémorisé. Bon, il a été programmé à l'aimer. Il connaît les fleurs, il les a appris. Il ne connaît pas les fleurs qu'il ne connaît pas. Par contre, il ne connaît pas qu'il vit. Il sait qu'il vit. Il sait certaines choses, mais bien souvent, quand il sait, il arrête immédiatement son savoir. Et là, il se pose la question, c'est la manipulation du monde de la mort. Comment ça fait que je sais ça? Qu'est-ce que je suis savoir ça? Je ne peux pas savoir ça. C'est réglé. Va te coucher. Alors, c'est ce qui arrive. Il y a un 5% qui est en phase de développement dans l'humain, surtout au Québec. Et c'est ce qu'on appelle la personne transitive. Elle se dirige donc vers ce que j'appelle l'homme nouveau. Et il y a ce 5% qui peut être 3, 4, 15% chez certains, et qui de plus en plus rentre en lutte contre le monde de la mort. C'est-à-dire que la personne, elle a le goût de faire une chose. Elle sait qu'elle ne devrait pas boire de l'alcool, par exemple. Et quand on boit de l'alcool, qu'est-ce qu'on fait? On baisse la vibration corporelle et on devient plus massif au niveau de sa conscience. C'est-à-dire qu'on perd le contrôle. Le 5% qui te contrôle un peu, bien, tu en coupes, tu 4, 3, 2, 1%. Alors, nécessairement, les forces du monde de la mort, les forces astrales, bien, forcent l'humain à boire. Parce que ça permet à l'humain d'être facilement manipulable par le monde de la mort. Et là, l'humain s'exprime au coton, mais quand il s'exprime, il nourrit le monde de la mort. Il crée de l'expérience émotive. Hein? Une personne qui est bien réservée, donne-lui qu'il a un peu d'alcool, tu vois, comme un collant, tu l'appelles bonbon. Hein? Bon, alors, le 5%, il est là, et c'est à l'homme de le cultiver, c'est-à-dire de le développer. Et plus l'humain transite, plus il entre en lutte contre ce qu'il va appeler des parties chez lui qui sont faibles. Des parties chez lui qui veulent pas, des parties rebelles. Et l'humain découvre à un moment donné qu'il est manipulé, c'est-à-dire qu'il est dans un véhicule puis il n'a pas le contrôle du tout. Il y a un bonhomme intéressant, un occultiste qui s'appelait Papus, qui avait le premier à amener cette allégorie. Une diligence, des chevals, puis un cocher. Alors, la diligence, c'est le corps physique, le corps vital. Les chevaux, c'est le corps astral, la psychologie, tout ce qui est relié au monde de la mort. Et le cocher, c'est le corps mental, ce qui peut entrer en contact avec l'esprit, le plan supramental. Alors, le cocher, il est là, et puis là, il a serré son fouet, il a attaché les guides, et puis là, il ne comprend pas comment ça fait que les chevaux, ils courent partout, ils s'en vont dans le champ, ils arrêtent de manger des pommes, ils partent. Mais c'est le monde de la mort, c'est le corps astral. Tu en as besoin pour faire avancer la diligence. Mais là, tu dis, oui, mais comment ça fait que je vais là? Ben, tu vas là, pauvre type, parce que les chevaux vont là. Mais étant donné que tu es convaincu, toi, que tu fais partie des chevaux de la diligence, et que tu n'as rien d'autre à faire que de regarder les chevaux, comment ça se fait que tous les chevaux vont là, puis moi, je vais pas? Ben, parce que les tiens, ils ont vu quelque chose là-bas, puis ils vont là, c'est ça. Parce que les tiens sont programmés à rentrer à cette écurie-là pour celle là-bas. Alors, nécessairement, tu s'en vas là. Et l'humain se promène comme ça. À un moment donné, tu te lèves, tu vas la mettre à faire. Ben oui, les chevaux, ils sont en train de marcher dedans un fossé. Ben oui, c'est ça, ça le temps. À un moment donné, tu te lèves, tu te vas bien. Ben oui, les chevaux sont sur la route, là, puis ça marche. Bon, c'est simple, mais c'est simple. À un moment donné, ben, tu pleures. Ben oui, les chevaux se baignent. Mais t'as de la diligence avec, puis le cocher aussi. C'est simple. Mais à un moment donné, il faut que l'humain, il faut que le cocher se réveille. Bon, mais là, si j'arrête les chevaux, d'un coup, les chevaux, ils se retournent tout sur moi. C'est ça. C'est les premières peurs. Alors, tu vois un petit peu. Moi, je veux évoluer. T'apprends à faire. Puis, si ça écoute pas, ben, la technique marche pas. Mais, tu sais, dans les cours qu'on donne ici, on en fait faire d'équitation. On en a du monde qui sont. Il y a gros coup de talon, puis le cheval, il recule. Tu sais, bon. C'est pas que la technique marche pas. Tous les cow-boys, tous ceux qui, tous les cavaliers, se servent des mêmes techniques et ça marche. Il y a une différence. Savoir que c'est toi qui es le boss. Puis après ça, tu t'organises pour qu'il t'écoute. Et quand tu essaies la technique sans être convaincu que c'est toi qui dirige, ben nécessairement, le cheval, c'est de l'astral, hein? Oui, il décode dans ta barouette. L'autre. J'avais un morceau d'arachide pogné d'une dent, quelque chose. Alors, donc, le monde de la mort, c'est cela. Et l'humain a un 5% qui est le cocher, qui doit à un moment donné prendre le fouet, prendre les guides, commencer par arrêter les chevaux. Ben, les chevaux, ils n'auront pas écouté. Il faut les dresser, les chevaux. Ils ne sont pas habitués de se faire tirer dessus. Personne n'a jamais tiré dessus. Toutes les fois que la gang de chevaux veulent tourner à droite, ils vont. Ben, à un moment donné, ils veulent tourner à droite, puis il y a un cave qui tire à gauche. Avant que les chevaux comprennent ce qui se passe, ils vont encore aller à droite. Et puis, à un moment donné, ben, ils vont se quitter les uns les autres, parce qu'ils vont s'imaginer que c'est les uns les autres qui vont tout proche. Puis là, la diligence, ça marche plus pantoute, ce qu'on appelle la période dramatique de la transition, l'adolescence de l'adulte, au niveau de son évolution. Mais faut continuer. Et à un moment donné, ben là, tu finis par dresser tes chevaux. On appelle cela programmer le monde de la mort. Moi, j'appelle cela néotyper ce qui nous manipule. Puis à un moment donné, ben merde, on devient le maître. Et puis après ça, ça devient intéressant. Or, même si tu dériges la diligence, tu sais pas où sont toutes les plaines, tu sais. Tu connais pas encore toutes. Mais tu vas voir quelque part, puis c'est pas là. Tu t'en vas voir ailleurs. C'est déjà un maudit avantage. C'est encore une espèce de menu. T'as pas un libre-arbitre total. Mais au moins, tu peux commencer à t'en aller avant que tu tombes. Comme vendre tes actions avant que les crashs arrivent. Ça veut dire que toutes les générations qui étaient ici avant nous, depuis toutes les années que l'homme habite la Terre, il a toujours été manipulé par le monde de la mort. Puis ça commence seulement aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, toutes les générations de toutes les humanités qui ont habité notre planète Terre sont toutes sur notre dos pour nous empêcher d'être ce qu'on est, puis essayent toutes de redevenir ce qu'ils ont été. Alors, c'est pourquoi il y a les traditions familiales, c'est pourquoi il y a tout un paquet de panoplies au niveau des traditions nationales, c'est pourquoi il y a l'égrégore patriotique de la nation, c'est pourquoi il y a ceci, cela et cela. Le racisme, c'est tout un paquet de merde du monde de la mort qui rentre dans la tête de l'humain puis qui essaie de s'emparer des gangs. On appelle cela des esprits de groupe, c'est-à-dire des âmes collectives. Ce sont des égrégores qui manipulent un paquet d'individus pour essayer de faire en sorte qu'on n'évolue pas trop vite. Parce que le monde de la mort, c'est de la mémoire. Et toute mémoire souffre lorsqu'on la change. Alors le monde de la mort, il souffre chaque fois qu'on évolue. Et nécessairement, il s'arrange pour que l'humain n'évolue pas trop vite. C'est une idée géniale, c'est parfait, c'est très très bon. Dans 20 ans, on l'appliquera. Il faut laisser le temps au monde de la mort de s'habituer. Quand tu inventais la bouteille qui était, la sucisse, là, puis le sac qui se dégonfle tout seul, là, pour que le bébé cesse de roter, là, t'sais. Quand il inventait ça, là, ça faisait longtemps que c'était inventé. Mais ça a pris bien du temps avant qu'on pense, ça avait de l'allure. Il y a un paquet d'idées. Le four micro-ondes, c'est inventé avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais on pensait pas que ça marchait. Bon. Alors, ça prend toujours un laps de temps. Souvent, quand quelqu'un me dit « Hey, telle affaire, on devrait appliquer ça », c'est ce qu'ils font aux États-Unis. Tout ce que je peux leur dire, ça fait combien d'années qu'ils font ça aux États-Unis? Fait que si on me dit « Ça fait 2 ans », je dis « Parfait, le Canada est au 15 ans en retard. » Fait qu'en tant qu'autre raison, on va l'appliquer. Il faut attendre. C'est comme ça. Au Canada, quelles solutions neuves on a? Mais en Allemagne, ils font. En Suède, ils font. En France, ils font. Le monde de la mort, vous avez dit qu'ils ne réussissaient pas à vivre. Mais si on prend une maison hantée, il y a une entité qui vit là-dedans, alors ils réussissent à vivre. Oui, non, le monde de la mort existe, mais ils n'expérimentent rien. L'entité dans une maison hantée ne peut être existentielle que lorsqu'il y a des observateurs. Une maison hantée n'est jamais hantée s'il n'y a personne pour le voir. Moi, si je vais dans une maison hantée, elle ne sera pas hantée. Pourquoi? Parce que mon corps vital est tellement accolé à mon corps physique qu'on ne peut pas me têter de l'énergie vitale pour créer soit les mouvements télékinésiques ou pour créer un ectoplasme, la vision fantomatique. Tandis que d'autres humains plus sensibles qui ont un corps vital moins attaché à leur corps physique, donc ils peuvent se le faire têter facilement, hein? Une personne qui est capable d'endurer 1 heure de téléphone quand il n'y a rien à dire, elle se fait têter. Bon, mais elle va voir des maisons hantées. Bon, il y a une personne qui n'est pas capable de dire non. Mais elle va voir des maisons hantées. Pas parce qu'elle est folle. Parce que le monde de la mort, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une maison particulière où il s'est passé un événement soit hyper traumatisant, soit encore une personne qui s'est extrêmement attachée à sa cabane. En Écosse, on a eu un avarice tellement monstrueux à un moment donné qu'il y a eu beaucoup de châteaux justement qui étaient hantés, c'est-à-dire que les propriétaires ne voulaient pas quitter. Lorsque la personne meurt, son corps mort au ciel, donc l'âme, entourée de l'enveloppe du périsprit, normalement se fait inviter par des entités du monde de la mort à grimper en haut. On a besoin de ta nourriture, hein, fait qu'on t'invite à monter en haut, toute bien habillée, toute bien shiny, là, des beaux guides de lumière viennent te chercher. Bon. Mais ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, toi, tu es tellement en attraction avec ton château, ta maison, où il y a eu un drame tellement puissant dans cette région-là, que tu restes attaché là plutôt que de monter en haut. Mais tu ne peux rien faire. Par contre, si un observateur vient, tu seras capable d'entrer en communication astrale avec son âme, et tu seras capable de puiser de l'énergie vitale qui permet la constitution de son corps. Cette énergie vitale-là puisée pourra servir à faire bouger les objets, à faire des tapages, des esprits tapageurs, ou encore, simplement, si on en puise suffisamment à commencer à créer une forme matérielle qu'on appelle un ectoplasme, qui est vitale. Et bien souvent, on peut constater que l'entité, bon, si tu rentres dans une maison hantée, l'entité va tellement être en affinité avec une des personnes, si tu es tout seul donc avec toi, que si elle a une création ectoplasmique, et ça s'est déjà expérimenté, si tu prends quelque chose et que tu coupes une partie de l'ectoplasme, quand l'ectoplasme sera disparu, tu verras que tu auras la même coupure sur toi. Parce que c'est ton corps vital. C'est de ton corps vital qu'elle va se servir et elle va essayer de le matérialiser. Bon, il y a des phénomènes comme ça qui sont intéressants. Comment on peut faire disparaître un ectoplasme? Ben, on l'envoie promener, c'est tout. Sauf qu'il faut que l'humain soit capable de penser que c'est lui qui a le fouet et les guides. Parce qu'on a vu des gens faire le cours d'équitation et puis à un moment donné, oui, mais mon cheval, il fait reculer. Ah oui, mais ça aide à tirer ses guides, tu sais. Oui, mais je veux l'arrêter. Oui, c'est ça. Je l'arrête tellement qu'il recule. Bon. Alors, la personne doit apprendre à se découvrir. À un moment donné, le cheval est tombé. La personne est tombée. Et ça arrive fréquemment dans la vie. Comme à la bourse. Et je dis souvent à ces personnes-là, oui, mais est-ce que tu as eu conscience quand tu es tombé? Non. C'est ça, on dort jamais sur le cheval. Mais elle ne dormait pas, non, mais elle n'avait plus conscience d'être le maître. Elle s'en allait. À un moment donné, il y a eu quelque chose, le cheval s'est tassé, puis elle est encore là. C'est terrible. Alors, c'est la même chose au niveau de ces phénomènes-là. On doit savoir qu'on est le maître. Et on a toujours peur. Vous savez, la première fois que j'ai approché d'un cheval, il fallait que je me fasse connaître. Le cheval, il est venu me sentir avec sa grande tête. Moi, je pensais qu'il voulait mordre. que l'ego ne connaît pas. Puis quand l'ego ne connaît pas, ben il n'y a pas. Hein? C'est typique de l'humain. L'humain plugué sur l'astral. Quand on veut dresser un cheval, dans le début, ça marche bien mal. Moi, j'ai monté des chevaux qui étaient compliqués un peu, et puis je vais le rentrer dans l'écurie. Puis là, tu fais 3-4 tours avec eux autres en avant. Parce que quand il veut aller droit, un cheval, tu le tournes. Là, il tourne pensant qu'il va rentrer, là. Mais s'il vient pour rentrer là, tu te demandes qu'en tout cas, tu peux t'amuser longtemps. Le cheval grogne, le cheval kick, le cheval se roule à terre, puis quand le cheval se remonte, t'es encore dessus. Ben là, plein, il finit par savoir que t'es le maître. Mais le moindrement que les forces astrales, que les forces sataniques ou que les forces de ce que vous voulez sont en colère, l'humain il se cache en dessous de son lit. Ben nécessairement, qu'est-ce que le cheval sait? C'est lui qui le base. C'est évident. Et quand tu manques ton coup une fois avec le monde de la mort, c'est plus dur de recommencer. Puis plus tu recommences à être prêt, plus tu manques ton coup, plus ça vient tough en sacrebleu. Parce qu'ils sont tellement convaincus que c'est vrai que tu es une larve, qu'ils vont, ils vont mettre le paquet. Quelle différence qu'il y a entre le monde satanique et puis l'entité qui crée la maison hantée, qui te tête de l'énergie? L'entité qui hante une maison, le phénomène des esprits tapageurs, ce qu'on connaît sous le terme poltergeist, entre autres, qui sont relativement fréquents. Ces phénomènes-là sont des entités qui ne sont pas maléfiques, qui ne veulent que vivre de l'expérience, c'est-à-dire qu'ils veulent s'attacher à leur maison, et pour cela, ils ont besoin de raisons. Et normalement, ils ont vécu, comme j'étais tout à l'heure, un traumatisme ou un attachement tellement puissant à la maison ou à la personne. Parce qu'à un moment donné, un phénomène de hantise peut apparaître simplement parce que ton mari vient te revoir. Il est mort. Mais il était tellement émotivement attaché à toi que nécessairement, il reste là. Il ne peut pas revenir le monde de la mort encore. Ce phénomène-là, lentement, se fait gruger par les plans planétaires. Les plans vitaux de la planète vont gruger lentement le périsprit de l'enveloppe de ce phénomène fantomatique. Et en grugeant lentement l'enveloppe, elle le rend plus léger et lentement l'esprit veut pas voir gagner le monde de la mort. C'est pourquoi après quelques années ou quelques dizaines ou quelques centaines d'années, un phénomène, une maison hantée ou un château hanté finit toujours par perdre ce qui le hantait. Les phénomènes sataniques sont la cristallisation de toutes les énergies psycho-émotives, tous les psychostress, toutes les énergies qui sont créées par l'homme et qui ont une densité telle qu'elles sont, comparativement à d'autres formes de phénomènes astrales, elles sont pesantes. Alors, c'est pourquoi les occultistes, les ésotéristes, les théologiens parlent de l'enfer. Descendre aux enfers et monter au ciel. Hein? On parle de descendre, donc l'énergie infernale est basse. Et on parle de monter parce que l'énergie spirituelle ou céleste est plus haute et ils se séparent par leur subtilité. Comme des liquides de densité différente, ben, ils vont prendre chacun leur état. C'est pourquoi l'hélium monte, l'hydrogène monte, il est plus léger que le reste de l'air, que l'oxygène, l'azote, etc. Alors, les forces sataniques sont ce qui est l'agglomération des mémoires planétaires créées par l'homme au niveau de l'émotion qui ont une densité basse. Et il se trouve que ce qui a une densité basse, c'est ce que l'être humain a appelé les forces du mal ou encore les péchés. Quand tu es orgueilleux, tu appelles ça le péché mignon. Je m'en prie. Bon. Alors, c'est un péché en ce sens que ce n'est pas un péché dans le sens cosmique du terme, sauf que c'est ce qui nuit à l'homme lorsque l'homme veut gagner le ciel après sa mort. C'est-à-dire que plus il est plein de ce phénomène pesant, plus il reste longtemps dans les basses sphères du monde de la mort, qu'on appelle la phase purgatorielle, le purgatoire, c'est-à-dire que c'est l'endroit où on doit, où lentement son corps est digéré par le purgatoire, et libérant les parties les plus hautes pour que ça gagne le ciel. Ça peut prendre un certain nombre de temps. Alors, les forces sataniques sont le résidu bas, qui est beaucoup plus proche de la matière que les forces divines, ce qui permet à l'être humain, s'il fait un pacte avec les forces sataniques, d'avoir un résultat presque immédiat, tandis que s'il fait un pacte avec les forces divines, d'avoir un résultat à très long terme, s'il n'a pas carrément oublié ce qu'il avait demandé. Bon. Alors, les forces sataniques sont l'accumulation de ce qui vient au niveau des forces astrales, de ce qui peut venir manipuler l'humain d'une façon plus facile, c'est-à-dire, pourquoi on dit souvent que les forces du mal sont plus puissantes que les forces de Dieu? Ben, c'est simple, c'est que Dieu, il vient te chatouiller un petit peu pour te dire de pas faire ça, tandis que tout le reste, il te prend puis t'embarque pour le faire. Fait qu'évidemment, Dieu opère souvent. faut que l'âme de l'homme devienne suffisamment subtile pour qu'elle attire plus de communication avec les forces des hautes sphères spirituelles ou avec son mental si elle veut carrément passer au-delà du monde de la mort, donc au-delà du ciel, entrer en contact avec son esprit. Il faut que son âme, entre autres, sa psychologie, son état, son attitude, soit suffisamment subtile pour qu'elle n'attire plus la communication avec les forces sataniques. Mais il y a une chose intéressante qu'on voit quand on parle de colère mentale, c'est que si moi je me spiritualise, si moi je me mentalise, si moi je deviens supramental, donc si je m'espritise, si j'entre en contact avec mon esprit, les forces du bas astral vont vouloir me récupérer en tant que possibilité de nourriture. Comment l'astral se nourrit en gros en collectif dans les choses, hein? Avec la drogue, avec la boisson, avec la prostitution, avec ce genre de choses. Les plus vieux métiers du monde, c'est ça. La plus vieille mémoire du monde est entretenue longtemps, ils n'ont besoin. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire si moi je ne suis pas atteignable? Eh bien, ils vont commencer par charrier ma femme. Ils vont charrier mes enfants. Ils vont charrier ceux avec qui je travaille. Ils vont même tuer quelqu'un dans ma famille pour m'obliger à être récupéré. Et c'est pourquoi quand on travaille le phénomène de la colère mentale, bien, il faut s'organiser pour obliger le monde de la mort à ne jamais toucher quelqu'un d'autre pour nous récupérer. Les forces sataniques, c'est donc une mécanicité qui est existentielle, qui est réelle, qui a comme seule fonction l'évolution. Étant donné qu'elle est plus dense que la majorité de ce qui constitue l'homme, par rapport à l'homme, elle est plus froide. Et se rapprochant de l'homme, elle se réchauffe. Et nécessairement, se réchauffant de la chaleur de l'homme, elle refroidit l'homme. Donc, les forces sataniques font toujours évoluer le règne humain. Parce qu'elles veulent évoluer. Quand l'être humain prie Dieu, bien, pour comparativement, Dieu, il est froid. Alors, pour Dieu, l'homme est le phénomène satanique. Mais pour l'homme, Dieu est un phénomène divin. Pour Satan, l'homme est un phénomène divin, mais pour l'homme, les forces sataniques sont un phénomène diabolique, c'est-à-dire infernal, c'est-à-dire involutif. Alors, les forces sataniques, c'est quelque chose qui fonctionne, qui marche très bien. Lorsque les forces sataniques, il y a des choses qu'on peut différencier immédiatement. Le monde, les démons, le diable, les forces belzébuciennes, Mammon, Satan, Lucifer, puis il y en a quelques autres. Lorsque les forces, Lucifer, c'est un guide de lumière, ça veut dire porteur de lumière. C'est d'ailleurs lui le père créateur de l'humanité. Bon. Lorsque Lucifer possède totalement un être humain, il en fait un génie. On appelle cela souvent un génie du mal, comme Adolf Hitler. Lorsque les forces sataniques possèdent un humain, ils en font un animal, comme dans le film L'Exorciste. Il y a une nuance majeure entre ces deux possessions. Lucifer, pour le déposséder, il faut tuer le corps. Satan, pour le déposséder, il faut posséder l'âme avec quelque chose d'autre. Ce que normalement la religion va faire par l'exorcisme, elle va s'arranger pour que Dieu possède l'âme, donc Satan, c'est son cas. Et il y a d'autres moyens. Le Nazaréen, lui, quand il exorcisait, il redonnait la liberté totale à l'individu. Mais les exorcistes ne font pas ça. Les exorcistes prennent une possession et en mettent une autre à la place. Alors, la personne qui est exorcisée par une religion se voue après la religion, elle est possédée par les rigueurs de la religion. Bon. Alors, Satan, c'est quelque chose qui fonctionne. Lorsque ça possède un humain, l'humain devient un animal dangereux. Lucifer, lorsqu'il possède un humain, l'humain devient un génie du mal. Il a de l'intelligence, tout en voulant assujettir le reste de l'humanité pour pouvoir faire en sorte que l'humanité évolue plus rapidement que ce qu'elle devrait faire, parce que les forces supérieures sont implantées dans l'homme, de façon à ce que l'homme veut absolument évoluer. Et les forces sataniques sont une concrétisation. Nécessairement, il doit toujours avoir chez lui une parcelle qui l'oblige à vouloir quelque chose d'autre, l'évolution, et en même temps une parcelle qui l'oblige à ne pas se suicider, puis à conserver le corps de matière, puis à orchestrer la matière pour libérer l'homme, de façon à ce qu'il puisse, dans la matière, arriver à une évolution énergétique. L'homme a comme fonction de faire en sorte que la matière devienne de la lumière. Mais non, l'homme n'a pas comme fonction de sacrer son camp. L'homme n'a pas été créé comme ça, puis que parfois, on crée des petits mecs et puis on dit, amusez-vous, faites le bien, faites le mal, ceux qui font le bien, le donnez bec, ceux qui font le mal, je s'écrase. C'est pas ce qui s'est passé du tout. Alors l'homme a un rôle. Il n'y a rien sur cette planète qui ne soit pas prévu par l'intelligence. même les guerres, même les viols, même les meurtres, même tout ceci. Ça sert à nourrir des contextes qui servent à protéger l'humain, qui servent à donner de l'expérience à l'homme, parce que ça sert surtout à quoi l'homme sert? On a un 5% pour on a 95% de débilité. Bon, même les grands, grands, grands financiers se font voir par les cracks. C'est juste rien que te dire. Même le meilleur pilote automobile, il n'attache pas son casque comme il faut. Puis lorsqu'il est éjecté sur son automobile, le casque est éjecté avec, quand il tombe, il se casse à l'œuf. Hein, on a vu ça, c'est un Québécois qui est mort comme ça. Bon, même les plus parfaits se font avoir. 95% de manipulation intéressante et 5% de finalité comparable. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 5% est à développer chez l'homme, mais il ne peut pas grandir tant que le corps n'est pas suffisamment solide. Or, le 95% manipulé, qui manipule l'homme, manipulé par l'intelligence qui est investie dans l'homme ou dans le 5%, à quoi ça sert? Ben, à quoi l'homme sert, en gros, l'homme psychologique? Ben, il sert simplement à aligner un corps physique, qu'elle promener partout sur la planète, dans la ville de Montréal, ou un peu partout ailleurs. Il sert à faire des émotions, il sert à vivre des cossins, il sert à manger des claques, il sert à souffrir, il sert à broyer, il sert à chialer, il sert à mourir, il sert à ça. Il y a un petit 5% là-dedans, mais tout le reste au complet, puis le problème de l'homme, c'est qu'il ne s'identifie pas au 5%, il s'identifie au reste. Alors, il a peur de la mort, il a peur de souffrir, il a peur d'être malade, il ne comprend pas. Ben oui, mais c'est ça qu'il faut que j'ai. Un petit morceau ici, mais l'ego va dire « Oui, mais rien qui me prouve que. » C'est évident, il n'y a rien qui te prouve que. Ça te regarde pas. Moi, quand je m'observe du point de vue de l'ego, je crois à rien à ce que je dis. Quand je m'observe du point de vue de l'esprit, je sais que ce que je dis est esprit. Et là, l'humain se promène, et qu'est-ce que ça fait? Ça crée de l'expérience, hein? Ça crée des petites mutations, 10, 5, 10, 15% de mutations par décennie. Et puis lentement, on fait des enfants. On essaie de multiplier vous, algébriquement, si possible. Et puis finalement, on a 5 milliards que d'individus sur la planète Terre. Vous pouvez mieux se taper dedans. Hein? Bon, pour être aussi solitaire, c'est une grosse planète, même si on en met plus. Et puis à travers cela, ça permet quoi? Ça permet de créer des enfants qui créeront des enfants, qui créeront des enfants, qui créeront des enfants. Et cela permet simplement de transmettre une mutation génétique pour que finalement, dans la matière, la lumière puisse, à partir de la boue, créer un corps de chair suffisamment structuré pour qu'elle puisse venir s'asseoir dedans. Sauf qu'en attendant, parce que l'intelligence ne peut pas manipuler le corps de chair sans le démolir, mais elle crée un tampon, une mémoire tampon expérientielle, l'âme, et cette âme-là, elle est nourrie par le monde de la mort, la mémoire tampon de la planète Terre. Et à travers cela, bien là, l'intelligence peut manipuler le corps jusqu'à temps que... La première fois que vous êtes venu au monde, c'est il y a presque 4 milliards d'années. Vous ressembliez pas ce que vous ressembliez là, puis si je vous montrerai une photo, vous direz tout hier. Bon. Le fœtus passe par toutes les étapes de l'évolution de l'humanité par arriver jusqu'à aujourd'hui. Il ressemble pendant longtemps aux autres fœtus des autres animaux. C'est normal, tout est parti de la même source. Avec une spécialisation selon les codes génétiques, jusqu'à un moment donné où certains codes génétiques, certaines races animales par exemple, sont abandonnées à elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles sont abandonnées à vivre une évolution adaptative qui n'est presque pas transmissible génétiquement, dépendant des conditions, elle pourra l'être. Tandis qu'une de ces races-là vivra une évolution adaptative et améliorative, ce qui va engendrer évidemment la race humaine de l'homme. Alors, à travers toute la merde que l'on vit et qu'on se plaît, tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit ça comme expérience. L'intuition théologique le perçoit et va dire, ce sont des leçons. Oui, mais ce ne sont pas que des leçons. Ce sont des initiations. La leçon, elle instruit ton ego. L'initiation transforme tous les corps. Alors, la vie est une initiation. Prenons l'exemple de Martin Gris. Bon, ben, il devait vivre une initiation qui ne peut presque pas se transmettre par la génétique. Mais alors, il a eu des enfants, il a eu ceci, il a eu cela. Et chaque fois qu'il réussissait à se sortir d'un immense vacarme, on le plaçait dans un autre. Bon. pour que lui puisse instruire les forces de la mort que l'être humain, que lorsque l'homme veut, avec le 5% d'en haut, lorsque l'humain est dans une chiotte, comme il a été à un moment donné Martin, enfermé dans une chiotte peinte de marbre jusqu'au cou, puis à un moment donné, il y a un Allemand qui vient faire ses besoins par-dessus, alors il faut qu'il s'enfonce un peu plus, puis l'autre, il remplit ce qui manque. Pour sortir d'un camp de concentration, mais il n'y a pas grand écho sur la planète Terre qui aurait accepté, qui aurait préféré mourir que d'être en marbre. Lui, il n'a pas été jusqu'au cou, il était jusqu'au cheveu. Et quand le soldat est parti, après avoir pété et fait ce qu'il fallait faire, Martin Gré est sorti, et je ne sais pas s'il passe le camouflage des bouches, mais il a réussi à s'enfuir. On ne l'a pas retrouvé. Remarquez que peut-être ce sont les Allemands qui ont fui. Bon. Histoire le dit pas. Mais Martin Gré a vécu ce genre de choses. Chaque fois que le 5% décide que non, le corps physique n'est pas prêt pour le monde de la mort, ce n'est pas un bon jour pour mourir. Et que tu décides que toi, le cocher, oh, c'est de la mort, tu perds ton argent. Oui, mais moi, je suis un être humain. Tu perds ta chemise, ça ne change rien. Continuez, les astuciens, ça ne change rien. À un moment donné, pour ne plus rien monter, c'est moi qui vais commencer à prendre dessus. Puis là, on t'ôte ceci, on t'ôte cela, on t'ôte cela, on t'ôte cela. Chose certaine, c'est que si vous nourrissez pas le monde de la mort, ce n'est pas long qu'il cesse de vous têter. Si ça devient plate de jouer quelqu'un qui joue pas. Et là, avec ça, tu deviens libre, puis là, tu peux commencer à fonctionner. Alors, ce sont des leçons, oui, ce sont des initiations pour obliger la transmission génétique. Plus l'être humain a la faculté de recevoir les choses neuves, plus l'être humain peut vivre longtemps. Lorsque l'humain se réfère au bon vieux temps, au passé, à ses vieilles affaires, tripote ses vieilles photos, garde son vieux linge, joue que ses vieilles affaires, ben lentement l'humain vieillit et il n'a pas de raison cosmique au niveau du corps physique de poursuivre. Il a engendré la génétique. Normalement, il aura eu des enfants. Et n'acceptant plus le neuf, il devient inutile du point de vue de l'évolution cosmique. Alors, on le retire de la circulation. Mais le 5%, lui, il demeure. Et les mémoires expérientielles de l'ego vont dans le monde de la mort, se mélanger avec d'autres phénomènes qui ont été similaires pour se réincarner dans un nouveau corps. Et le 5% revient. Mais là, il y a une psychologie drôlement peu adaptée parce qu'elle a l'expérience de plusieurs autres personnes. Elle a un corps physique qui provient de différents personnages, de différentes lignées génétiques familiales. Donc, elle a un corps plus solide. Et puis, à un moment donné, le corps sera suffisamment solide pour que l'esprit vienne placer ses pattes dedans et l'humain ne mourra plus. Et nécessairement, il n'enfantera plus. Alors, c'est l'évolution de l'homme. Mais présentement, il y a le petit 5% qui essaie de temps en temps de te dire « Lâche pas ». Puis il y a 95% qui veut dire « Lâche pas quoi, tu es perdu! » Bon. Et l'humain s'identifie à ce 95% parce qu'il est manipulé par le monde de la mort. Le monde de la mort tient absolument à ce que vous mouriez. Premièrement, il tient à vous manipuler pour que vous créiez de l'expérience émotive. Les chicanes, les colères, c'est très nourrissant. La joie, c'est très nourrissant. Le plaisir, le bonheur, oui, quand tu as un bonheur tout le temps, tu ne vois plus. Tu nourris plus rien. Alors, après le bonheur, il y a le malheur. Après le malheur, il y a pas le bonheur. Quand tu joues dans le malheur, tu ne vois plus. On s'en heureux un peu. Et l'humain s'en va comme ça dans son évolution, sans trop comprendre où il va. Pour la simple raison que l'humain essaie de comprendre l'évolution du point de vue du cheval. Plutôt que de comprendre l'évolution du point de vue du cocher. Mais nécessairement, tant que le cocher ne sait pas que c'est lui qui va cocher. Et qu'il laisse tous les choix au cheval. Ben, ils comprennent pas l'évolution. Ils ont toujours été à droite, là, ils vont à gauche. Tu sais, toi-même, tu comprends l'évolution. Dirige-les, les chevaux. Ouais, mais j'ai essayé combien de temps? Tout un véhicule de 6 chevaux. Et le gars dit qu'il y a un véhicule de 2 chevaux. Alors, il y en a un qui va contrôler vite. Ça marche. Il évolue pas aussi vite qu'un autre, mais il contrôle. Fais tout ce qu'il faut pour avancer vite, mais avant de contrôler ses chevaux, faut que tu manges un peu plus de claques. Alors quand il met ce qu'on fait, oui, mais les gars, lui, là, il a tout dans la vie. Ouais, il y a un cheval, lui. Moi, j'ai connu plusieurs élèves à l'école qui catchaient tout de même. Ils étaient bons dans tout, mais excellents dans rien. J'en ai eu d'autres, par contre, qui pouvaient travailler d'arrache-pied. Eux autres, ils étaient excellents dans les choses. Par contre, il y en a qui gobaient tout de même, mais bons dans tout, excellents dans rien. Tu sais, un cheval ou deux contrôlés, tu les apprends vite. T'en as 8, 12. Quand tu vas avoir contrôlé, tu vas avancer sans crabler. Le gars qui va vite, là, il marche, l'autre il traîne. À un moment donné, lui, il stagne. Puis là, l'autre, il commence à apprendre, il commence à contrôler les chevaux. À un moment donné, ils sont ensemble. Tu sais, ils sont bien. Mais c'est pas long que celui qui, au début de la misère, passe en avant de l'autre, évidemment. Ça l'a toujours été comme ça. Surtout que celui qui gobe comme ça instruit son ego, qui n'a pas besoin de futur. À un moment donné, tu comprends juste ce qu'il faut pour en parler, pour faire des petits gossins, tu sais. Mais celui qui partait de rien, puis s'il lâche pas, il va essayer, il se ramasse pas. Ah ben c'est ça, l'humain, il a mis 5%, puis il a un corps physique qui se promène un peu partout, puis l'humain essaie de suivre, de comprendre la logistique de l'évolution de son corps physique, alors qu'il comprend la logistique de l'évolution, l'humain la voit comme étant plaire à un dieu, se sauver. Mais l'humain n'est pas sa planète pour être sauvé, l'humain est sa planète pour accomplir une chose. Sinon, ça fait longtemps, Dieu serait nous chercher, torieux. Bon, il n'aurait même pas créé. Il l'aurait placé dans le bon tiroir. Hein? Bon. Alors, l'humain voit son évolution d'un point de vue qui n'est pas adapté aux conditions événementielles ou expérientielles que l'on vit sur la planète Terre. Tout cela parce que le monde de la mort a besoin de nourriture et le monde de la mort est de la mémoire. De la mémoire qui ne veut pas changer. Hein? Il y a même l'humain qui va dire, « Ben oui, mais tu sais, là, on n'est pas pour changer ça, j'en ai autre de même. » Ah, mais c'est une tradition familiale. Il y a des gens qui vivent que pour la danse, que pour la peinture, pour l'art. Qu'est-ce que ça nourrit, ça? L'art, c'est l'expression émotive. Donc, nécessairement, ça nourrit des égrégores complets qui fonctionnent là-dedans. Et l'art a la faculté aussi de pouvoir permettre à l'humain d'exprimer des contacts intuitifs qu'il a avec le monde de la mort ou encore avec sa conscience supramentale, donc son esprit. Il a l'art, c'est la faculté que l'homme, on le manipule pour que l'homme exprime de l'art de façon à placer son énergie dans des structures artificielles, et non pas artificielles, mais disons artificielles, des structures qui sont reliées à l'art, des structures qui, à un moment donné, pourront servir à devenir un foyer central, disons, de concentration d'énergie qui va permettre au monde de la mort de recevoir de l'expérience simplement par la structure de l'art. Autrement dit, le peintre qui fait une peinture met de l'énergie dedans. Si un jour il détruit la peinture, il récupérera son énergie. Mais l'art, normalement, on fait la peinture et puis on l'affiche, on la met quelque part, on fait une grosse sculpture qu'on met quelque part. Bon. Et les personnes qui vont voir la sculpture, eux autres, par le biais de ton art, vont transmettre l'émotion au monde de la mort. Et si un jour on prend ta si elle brûle, enfin, si elle se détruit, tu perds l'énergie, l'artiste perd l'énergie qu'il a mis dedans. Et c'est pourquoi, bien souvent, lorsque une personne qui était suffisamment riche, voyait la mort approcher, on disait juste le phénomène, elle se faisait construire une immense effigie, une immense sculpture. Tu sais, les gars à cheval là, qui sauvent le pays depuis 400 ans, là, bon, dans un peu partout, bon. Or, soit des pyramides, soit des temples complets, soit des jardins, ou des grandes pierres tombales immenses, enfin des quais d'Écossais complets, parce que cela est une tentative chez l'artiste, c'est devenu traditionnel par la suite, donc certains le font égoïquement, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Par contre, dans l'Antiquité proche à l'Égyptien reculé, on faisait bâtir une statue ou quelque chose à l'effigie, que ce soit de l'enveloppe du sarcophage du pharaon, aller jusqu'à ce qu'on a eu en Angleterre, etc. Parce que dans cette heure-là, on essayait, le bonhomme plaçait toute son énergie dedans dans l'espoir de continuer à vivre, même une fois mort. Et c'est d'ailleurs ce que souvent les humains vont dire. Dans mon cœur, il ne sera jamais mort. Ce qui est effectivement un problème pour le monde de la mort et qui est aussi un problème pour celui qui meurt. Parce que tant que tu gagnes le monde de la mort, puis quand tu as un morceau qui est attaché dans le cœur de celui-là, dans le cœur de l'autre, dans cette statue là-bas, à un moment donné, il faut faire que tu arraches une chose pour laisser des mémoires là et que toi tu puisses décoller. Alors l'art, c'est parfait. Ça permet à nourrir de nourrir le monde de la mort. J'ai déjà expliqué que l'art devrait servir exclusivement comme réceptacle d'énergie. Alors on crée quelque chose d'art, et puis on le place, et lorsqu'on a besoin d'une dose d'énergie pour se remonter, on prend la rebelle pour la casse. Et ça marche. La deux semaines, je ne me rappelle plus de conférence, on en a parlé suffisamment. Ça, on va y revenir au mois de décembre, je crois. Comment conserver son énergie. À propos du miracle, c'est qui l'a créé? Est-ce que c'est le monde de la mort pour nous récompenser, quoi? Pour nous récompenser. Comme le frère André qui faisait des miracles, est-ce que c'est lui ou ça venait de quelque chose d'autre, quoi? Non, ben, le frère André, c'est Joseph, c'est l'égrégore de Joseph qui procédait par l'énergie vitale d'Alfred Bessel de façon à pouvoir engendrer des mutations vitales dans le corps des autres qu'on appelle des guérisons. Le miracle, c'est une chose hyper naturelle qui échappe à l'expérience de l'ego. C'est-à-dire, étant donné que tu ne l'as pas expérimenté, c'est frappant. Une chance qu'Alfred Bessel guérissait et qu'il était dans la religion, parce qu'on aurait tout de suite dit que c'est Satan qui procède par lui. Parce que quand un prêtre ne peut pas faire une chose qu'un être humain fait, nécessairement, c'est le diable qui pose dedans. Parce que ce serait Dieu, il avait commencé par le prêtre. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs on en a perdu un peu. Okay. Parce qu'il y a eu un temps où les personnes faisaient justement ce genre de miracle et on les disait possédés par le diable. Alors, on leur faisait passer un test, l'Église leur faisait passer un test, on les embarquait dans une chaloupe, on les mettait au milieu d'un lac et on les mettait dans le lac. C'est le seul moyen, c'est la preuve que le diable n'était pas dans l'aide. Et si elle s'en sortait, ben c'est la preuve que le diable les avait vus, alors on n'est pas sur le chien. Alors, il n'aurait pas fallu que je vive là-dedans, moi, parce qu'il y aurait eu une guerre mondiale. En tout cas, si t'es innocent, t'es mort, et si t'es coupable, on te tue. C'est logique et simple. Le miracle, c'est une chose qu'on n'est pas habitué de voir. C'est donc, comme tout à l'heure j'expliquais, un manque d'expérientiation de la part de l'ego. Mais ce sont des choses qui se font. Sauf que, tant que tu es convaincu que les chevaux ne peuvent pas nager, tu t'arrangeras toujours pour qu'ils n'aient pas dans l'eau. Mais un cheval, ça nage bien. Alors, tant que l'humain est convaincu que certaines choses sont impossibles, il ne les tente pas. Et quand il les tente avec sa mémoire. Il les tente comme ceci, il essaye. Mais on ne doit jamais essayer. On fait ou on ne fait pas. Mais quand tu essayes, fais pas. Tu es sûr que si par hasard, disons, ou par hasard, si tu es plus précis, ça marche, tu penses que c'est toi. C'est parce que quelque chose t'a permis d'accomplir une chose. Mais et d'autres vont essayer, ça ne marchera pas. Parce qu'ils n'essayent pas suffisamment. Devenir télékinésiste, psychokinésiste, faire bouger les objets à distance, dans la majorité des cas, ça prend au moins un mois de pratique. Mais l'humain n'a pas suffisamment de mémoire égoïque ou amique chez lui pour pouvoir soutenir l'initiation intensive d'un mois de pratique. Qu'est-ce qui se passe quand vous voulez changer, vous prenez une résolution? La première chose, c'est que vous l'oubliez. La majorité des personnes qui commencent un cheminement évolutif finissent par oublier pourquoi ils l'ont commencé. Ça, c'est pourquoi ils le font. Le monde de la mort. On est occupable. C'est très intéressant. Alors, les miracles, c'est lorsqu'un être humain fait une chose qui n'a pas été vue souvent par les autres. C'est, tu prends une pilule, je te donne, je te guéris. C'est un miracle. Mais c'est un miracle. C'est plus un miracle. Voyons donc, c'est normal. Non. Vu que c'est ça qui se passe tout le temps, c'est miracle. Moi, je marche sur la planète Terre avec de la matière physique et du carbone, de l'azote, de l'oxygène, de l'hydrogène, entre autres, plus un paquet d'autres poubelles. Et puis, j'arrive à l'animer, j'arrive à manger une pomme, j'arrive à l'assimiler. J'étais tout petit, j'ai grandi. Il n'y a pas un doigt qui a poussé plus vite que l'autre. Je dis, c'est tout ça de commun, c'est normal. Ben, oui. Aussi normal que le miracle, que de marcher sur l'eau. Pourquoi l'homme ne marche pas sur l'eau? Parce que le corps physique est trop lourd. C'est-à-dire parce que la Terre l'attire trop. Parce que la Terre l'aime trop. Parce que les courbures spatio-temporelles obligent l'humain à descendre vers la surface. Le sol. Vers le fond de l'eau. Mais tout ça, ça peut se changer. Sauf que l'humain, n'ayant pas expérimenté cela, l'humain ne le croit pas. J'ai rencontré, moi, des personnes qui, à un moment donné, étaient tout à fait désaxées psychologiquement. On appelle ça des personnes qui sont folles. Mais quand je parle folle, folle, même fière d'être folle, ces personnes. Et le peu, ils mangent des plantes, des filles, creux, enfin, ils font un paquet de trucs qui n'ont rien à voir avec l'espèce humaine. Et puis, à un moment donné, il y a des psychiatres qui vont mettre le temps, qui vont mettre de l'énergie, qui finalement vont finir par les libérer de cela. C'est un miracle. Quand tu regardes l'impossibilité, imaginez-vous simplement qu'on est ici, là, sur la seule bâtisse de la planète Terre créée par un dieu. Et moi, je vous suggère de bâtir une ville qui pourra contenir près de 2 millions d'habitants, avec des rues qui pourront laisser passer 3 autos en même temps, avec des ponts, avec des aqueducs qui pourront ôter l'eau quand il pleut, quelque part trop, avec des immenses bâtisses de plusieurs étages éclairées avec une énergie que vous ne connaissez pas. Alors on prend des fils de métal, on les entoure, là, puis on prend une roche aimantée, puis on brosse ça là-dedans. Ça crée de l'énergie. On a besoin de l'électricité, là, mais vous ne connaissez pas ça. Et puis, on va bâtir Montréal ensemble. Il n'y a pas un humain sur la planète qui est capable de concevoir que l'humain puisse bâtir une ville de même. Brique après brique, t'en bâtis des bâtisses. Mais non, c'est après 15-20 briques. À moins que tu ailles une motivation énergétique, un emploi, un salaire, la nourriture, et surtout que tu ne saches pas ce que tu fais. Le gars qui vient pour poser ses briques, puis qui regarde en haut, puis qui dit « Sacrebleu, 25 hectares ». Non, le gars, il regarde pas en haut, le gars, il s'en balance. Monsieur Blake, si ça regarde en haut, il mettrait pas les briques, c'est tout ça. Alors, regardez le travail d'envergure que l'humain a fait jusqu'à date sur la planète Terre. Il explose pas toutes les navettes. Et pensez qu'on va puiser dans des mines de métal dans le sol pour bâtir une navette qui s'en va dans l'espace et qui revient comme un avion atterrir sur une piste, sur des pneus en caoutchouc. Le caoutchouc, ça n'existe pas l'alternatif. L'acier, ça n'existe pas l'alternatif. Le plastique, ça n'existe pas l'alternatif. Tout ce que vous avez, la majorité des vêtements des gens n'existe pas l'alternatif. Quasiment tout ce qui constitue le décorum de nos maisons n'existe pas l'alternatif. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas des arbres auxquels on peut arracher des galons de peinture, couleur, bon, ça n'existe pas à l'état natif. Puis l'humain se demande si le miracle existe. Option qui n'existe pas. Bon, alors le miracle, c'est l'homme qui le... Comme si on prend l'exemple du père André, c'est lui, c'est son énergie qui guérissait l'autre personne. Alfred se faisait manipuler premièrement par des forces du monde de la mort, des hautes sphères spirituelles, donc les forces de l'égrégore catholique romain. Et surtout les forces de l'égrégore, c'est que lui est tombé en amour, donc il s'est fait appeler, donc manipuler ou appeler, selon les points de vue, par un égrégore qui était en train lentement de s'estomper, l'égrégore de Joseph, le père de Jésus. Et c'était cet égrégore, ce phénomène mémoriel, est venu demander, enfin, il s'est servi de André, il n'avait pas la puissance pour créer une apparition, comme les apparitions mariales ou d'autres genres d'apparitions. Et il s'est servi de l'affinité qu'avait Alfred Bessette pour de communiquer des phénomènes paternels. Alfred Bessette était très grand paternel. Il n'avait pas nécessairement un paquet d'enfants, mais il adorait l'humain comme un père. Pour un que les jeunes, l'humain tout court. Et nécessairement, le Joseph, le père de Jésus, celui qui l'a animé à Alfred Bessette, a pu entrer en contact avec lui juste pour pouvoir, disons, manipuler, c'est-à-dire donner suffisamment d'informations émotives, donc inconscientes, émotives, à Alfred Bessette pour que celui-ci commence à inventer le culte de Joseph. faisant cela, nécessairement, ne pouvant pas, n'ayant pas suffisamment d'énergie dans l'égrégore de Joseph pour pouvoir créer le phénomène ectoplasmique de l'apparition, l'énergie vitale de l'égrégore, donc l'énergie astrale vitalisée dans Alfred Bessette au niveau de l'égrégore, pouvait facilement être transmise par Alfred Bessette, qui avait, lui, la faculté de se faire têter. C'est-à-dire qu'il était un paternel, il donnait. Alors, étant donné que le contact se faisait par un égrégore qui avait une tendance à vouloir relancer un culte, donc un égrégore qui voulait attirer des choses, toute forme l'une des bonnes façons pour le monde de la mort de redonner confiance à l'humain en la structure hiérarchique du monde de la mort, les dieux, les anges, les archanges, enfin les plans hiérarchiques de ce monde, c'est d'engendrer le phénomène miraculeux, c'est-à-dire de permettre qu'il se passe une chose sur le plan terrestre qui devrait toujours se passer, mais qui est interdit dans la conscience de l'homme, de façon à ce que ça se passe seulement quand les intelligences du monde de la mort le veulent, pour que l'humain tombe ébahi devant le phénomène, constatant ou considérant que si ça arrive, c'est la preuve qu'il y a une puissance supérieure à nous là-bas. Il n'y a pas une puissance supérieure à toi, c'est qu'on t'attache l'humain, puis de temps en temps, ben, on te donne un verre d'eau. Mais si t'arrives même bien, tu prendrais bien un verre d'eau. Mais l'humain le considère comme cela, parce que l'humain n'a pas expérimenté ce phénomène de guérison par lui-même. Alors, Alfred Bessette ne mangeait pas. Il était totalement en communication avec les Grégoires de Joseph, ce qui lui a permis de vivre le nombre d'années nécessaires à la création de ce culte de Joseph. Et même s'il ne mangeait jamais ou dormait presque jamais, il pouvait vivre dans un état où médicalement, c'est impossible. Alors donc, Alfred Bessette était déjà de par lui-même un miracle. Et l'énergie vitale qu'il pouvait accumuler de par le phénomène de ce contact grégorien avec Joseph lui permettait de guérir. Mais Alfred Bessette n'avait pas la faculté, parce que Joseph n'avait pas la puissance à l'époque, n'avait pas la faculté de guérir simplement par son contact, c'est-à-dire que le fait que tu approches de lui, tu es guéri. Alors, il y a des substances matérielles qui, sur la planète Terre, existent, qui ont la faculté d'attirer, de concentrer et de conserver de l'énergie vitale. Il y a tout le coton, la laine, hein? On magnétise ça, on magnétise cela, on magnétise une couverture de laine pendant une heure de temps, puis on abrit un enfant malade avec, une personne malade avec, et au courant de la nuit, il y a de fortes chances de guérir, enfin, son état va s'améliorer. Mais encore là, qui a la patience de magnétiser une couverture de laine en se disant « si bois que je suis niaiseux ». Bon, ça marche, mais l'ego ne l'ayant pas expérimenté, il ne le fera pas. Magnétiser de l'eau et la faire boire. Bon. Alors, Alfred Bessette, ce qu'il faisait lui, c'est qu'il travaillait dans une espèce d'hôtel et puis finalement dans un oratoire, juste grand, enfin grand après, il n'a pas travaillé dedans, et il pouvait ramasser des choses. Lui, la lampe, à l'époque, il était constitué d'une matière qui permettait de condenser l'énergie vitale d'Alfred Bessette. Donc, le temps qu'il tripotait son huile, il magnétisait. Et lorsqu'il donnait cette huile aux individus, il y a deux choses qui se passaient. Premièrement, tous ceux qui croyaient cette huile, et il y a d'autres substances qu'on pourrait nommer, mais enfin, cette huile, elle a la faculté de passer dans une pièce d'absorber l'énergie vitale. Alors, s'il y a 15 personnes autour du malade, bien, l'huile t'aide les 15 personnes. Et si tu mets l'huile sur la personne, si elle est en demande de potentiel, c'est-à-dire que si elle a moins d'énergie vitale que l'huile, elle va tendre à instaurer un état d'équilibre, donc elle va têter l'huile. Mais évidemment, ça marche. Ce n'est pas un miracle, c'est un phénomène qui est mécanique, ça fonctionne. C'est ce qu'Alfred Bessette faisait, à son insu. Et évidemment, cela aura permis de raviver la ferveur jusqu'à temps qu'on bâtisse même l'oratoire, qui est devenu le foyer central de l'attraction des phénomènes sataniques dans la religion catholique romaine à l'échelle de la province de Québec. C'est-à-dire que l'oratoire Saint-Joseph, l'Église s'en est servie, et ça c'est à son insu, et c'est intelligent qu'elle le fasse, comme réceptacle des forces sataniques. Alors un médium qui regarde l'oratoire voit souvent des entités noires se promener autour. Et c'est pourquoi le cœur du frère André est là dans une vitrine. Et c'est pourquoi on a conservé toutes les mémoires, comme si on... Tu sais, quand tu détestes quelqu'un, tu peux lui ouvrir le corps, prendre le cœur, montrer tout le monde. Si tu sais, tu peux pas arrêter de m'en donner, tu montres ça à tout le monde. Mais c'est un peu ce qu'on a fait avec le frère André. Alors, les personnes vont là voir les reliques, jusqu'à des parties anatomiques. Mais ce n'est pas... Enfin, c'est chacun son goût, mais moi, si j'aime quelqu'un, c'est pour ça que je fais avec. Bon... Et c'est intelligent que cela marche comme ça et l'oratoire est devenu un immense condensateur attractif d'énergie. Ça fonctionne. Il permet à tout le Québec ou à la chrétienté du Québec d'avoir la paix parce qu'il attire des forces noires vers l'oratoire, libérant le reste de la province. C'est absolument essentiel que ces choses-là arrivent dans n'importe quel phénomène de religion parce que dans toutes les religions, il y a de la dissidence, il y a des forces qui se rébellent dans les égrégores. Hein, on parle des forces sataniques ou démoniaques. Bon, mais les démons sont des forces de rébellion au sein des égrégores des religions. Et d'ailleurs, toutes la Mecque, la mosquée, ça, c'est la même chose. Et il y a d'autres, toutes les religions ont leur foyer central pour attirer tout ce qui ne fonctionne pas d'une religion. Cela permet à la matière de le conserver, ça ne nuit pas trop au monde de la mort, donc reste Dieu. Alors, le miracle d'Alfred Besset, c'est un miracle qui est très factionnel, que Mesmer a déjà accompli et que d'autres ont accompli. Mais au lieu de l'accomplir au nom de Dieu, au nom de Joseph, qu'il accomplissait au nom de la nature. Et évidemment, on les a oubliés plus vite. Bon, alors ça répond à ma question. Maintenant, à propos, j'ai entendu dire que c'est un autre sujet. Les Yétis étaient les gardiens des entrées de la Terre. Bon. Les Yétis. Les Yétis gardent l'entrée de la Gamma. Les Miku et les Sasquatch gardent l'entrée de Shambhala. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Yéti, quand je pose la question, le Yéti, il est-il là? C'est une histoire de Michel, qui est une bonne homme. L'abominable homme des neiges, c'est le Yéti, c'est le Miku, c'est le Sasquatch. Alors, les Sasquatch, ça vit en Alberta, en Ontario, quelques-uns au Québec, en Colombie-Britannique et une partie des États-Unis. Et ceux qui intéressent de voir pourquoi ça ressemble à Sasquatch, eh bien, il y a un film qui jouait dernièrement, c'était Harry et Anderson. Il y avait un Sasquatch là-dedans. Très intéressant. Bon. Et les Miku, c'est une entité plutôt magnifique qui vit dans l'Himalaya avec le Yéti. Est-ce que ça protège les entrées naturelles du centre de la Terre? Donc, on peut revenir à la question, est-ce que la Terre est creuse? En tout cas, la Terre est creuse, la Terre n'est pas pleine. C'est-à-dire que quand on parle de creux, il faut faire attention. Il y a des personnes qui, à un moment donné, ont prétendu que certains échantillons avaient volé et pénétré dans le centre de la Terre. La Terre, elle est creuse. Creuse en conscience. La Terre, elle n'est pas creuse en matière. Il y a le soleil central, oui. C'est le centre d'ébullition de notre planète Terre. C'est-à-dire que plus on descend vers le centre de la Terre, plus on touche de la chaleur. Parce que la Terre s'est refroidie par la surface, et non pas par le cœur. Alors, effectivement, la Terre est creuse, mais creuse, non pas dans la matière. Alors, une personne, une entité, il y a tout un monde qui vit dans le centre de la Terre. Il y a, premièrement, c'est de là que vont être créées une grande panoplie d'esprits de la nature. On peut parler de gremlins, on peut parler de hobbits, de farfadets, de fées. On peut parler de plusieurs de sirènes. On peut parler d'un paquet de phénomènes qui servent à entretenir les plantes. Celui-là, ici, c'est une classe, c'est une chose forte. Alors, il y a des entrées naturelles au niveau énergétique où un médium ou une personne peut, lorsqu'elle pénètre ou lorsque ce territoire, elle entre en vibration, elle entre en résonance vibratoire avec ce qui se vit dans le centre de la Terre et elle y pénètre avec son corps astral, donc c'est visiblement, ce qui lui donne l'impression, parce qu'elle est inconsciente lorsqu'elle fait ce voyage, de pénétrer dans un monde vide où il y a de la vie. Ça ne ressemble pas à ce que nous vivons ici. Les êtres sont différents, les couleurs sont différentes dans le monde. Et cela fait partie des sphères infernales, donc c'est dans l'enfer qu'elle pénètre. Mais elle pénètre dans un enfer tout en ayant un corps physique vivant. Et elle pénètre par une voie naturelle qui lui permet de vivre une gustation de ce monde central de la Terre, donc les intraterrestres, elle peut les rencontrer, sans nécessairement vivre l'expérience émotive souffrante du voyage infernal. Les Sasquatch et les Miku, ce sont des entités plus ou moins humaines qui, à un moment donné, ont dégénéré et qui sont encore en affinité avec les forces élevées. Ils servent d'espions, on peut dire. C'est-à-dire qu'ils servent simplement de dentelle de l'intérieur vers l'extérieur et ils vivent normalement dans les secteurs où on peut vibratoirement pénétrer astralement dans le centre de la Terre. Et c'est pourquoi on dit qu'ils sont les gardiens. En réalité, ils ne gardent rien. Mais quand tu as un sasquatch de 12 ou 15 pieds te rencontre, eh bien, celui qui aura du peur partira. Mais il y a des chances que le sasquatch ne t'attaque pas, mais que tu sois d'ailleurs plus là pour qu'il t'attaque. Bon. On va faire une pause de 15-20 minutes. Vous avez des questions sur n'importe quoi, c'est le temps, on se mute. Par question. Monsieur Kemp, pouvez-vous répondre à n'importe quelle question? À toutes les questions qui voient l'intelligence être répondue, oui. Pourquoi disons-nous que l'Aïfar fuit les vampires? Bonne conférence, merci. Fait fuir les vampires. Ah oui, OK. Pourquoi disons-nous que l'ail fait fuir les vampires? Plus ça va, plus ça vampire, hein? Bon, le phénomène des vampires, c'est un phénomène intéressant. Le vampire, c'est un têteux d'énergie. Il est souvent symbolisé par la chauve-souris et par aussi, de temps en temps, certaines formes de loup-garisme. Et on pense toujours à ces films avec le comte Dracula, qui a d'ailleurs effectivement vécu et qui est même répertorié dans le dictionnaire, dans le Larousse, dans les personnes importantes. Et le vampire fait référence non pas à un suceur de sang, comme on le pense souvent, mais à un suceur d'énergie. Et le vampire est un phénomène, une phénoménologie de dédoublement éthérique, de dédoublement éthérique planétaire, donc de dédoublement vital, permis ou enfin que certains individus pouvaient arriver à faire, et même par certains corps qui n'étaient pas suffisamment en décomposition, certaines entités du monde de la mort avaient la possibilité d'aller têter de l'énergie chez certaines personnes, donc des victimes, et avec cette énergie-là, elles pouvaient se créer un ectoplasme ou continuer à empêcher un corps de se désagréger. Et c'est pourquoi on parle encore de, on pense souvent aux vampires qui sortent des tombeaux. L'ail est un aliment planétaire qui oblige une cristallisation très fortifiée, un alliage entre le corps vital de l'humain, ce qui engendre la vie, que l'on connaît d'une façon d'acupuncture yin et yang, et qu'on va connaître prochainement sous la forme hominale aussi. Et l'ail qu'on en mange ou que l'air, enfin l'odeur soit dans une pièce, oblige le corps vital de l'humain à rester bien plugué dans son corps physique. Le vampire ne peut pas têter de l'énergie d'une personne qui a mangé ou qui est entourée d'ail. Et en plus, le corps vital de ce vampire se voit attiré vers son corps physique. Donc, le vampire ne fuit pas, mais se voit réintégré dans la matière qui d'où il provient. Et c'est pourquoi on dit l'ail fait fuir, mais l'ail ne fait pas fuir. L'ail oblige le vampire à sacrer son camp. Les vampires, il y en a de moins en moins. Et c'est un phénomène qui a existé. Quand on parle des loups-garous, on parle des vampires ou de ces choses-là, et puis il ne faut pas penser que tous nos ancêtres étaient des imbéciles. Dans les granges, dans certaines places, il y avait aussi beaucoup de vampires d'animaux morts ou de ce phénomène du loup-garou, du loup-garisme. Les vampires, il y en a de moins en moins. Il y a encore quelques parties de la planète où on peut en connaître, des têteux d'énergie. Et on peut parler de la chauve-souris vampire, évidemment. Il y en a trois espèces qui sucent le sang, mais ces chauves-souris-là sucent à peine le sang. Ça ne rend pas les animaux ou les humains, ça ne les tue pas. Ils prennent un peu de sang, mais ça n'a rien à voir avec l'idée. On parle de chauve-souris parce que la chauve-souris, dans le domaine de la matière, est l'un des plus grands transporteurs de phénomènes, disons comme le loup d'ailleurs, de phénomènes sataniques ou disons démoniaques. Elles ne sont pas dangereuses pour autant. Alors, le vampire, ben l'ail, c'est ça. Alors que ça l'aille ailleurs, que je dis. Est-ce que pour les églises, c'est le même phénomène que pour l'oratoire Saint-Joseph à propos des rassemblements des forces sataniques? Non. La majorité des églises sont des condensateurs d'énergie hautement spirituelle qui permet à celui qui pénètre dans l'église d'être restructuré, d'être, disons, restabilisé au niveau de ses plans mémoriels amiques. L'oratoire Saint-Joseph, elle est protégée par sa coupole. C'est-à-dire que dans la coupole, il n'y a pas ce que j'ai dit. Par contre, dans le reste de l'oratoire, il y a. Alors, les églises, ce sont des condensateurs et des récupérateurs d'énergie Lorsque le fidèle prie, évidemment, je parle surtout des vieilles églises, parce que de plus en plus, les matériaux utilisés dans les églises neuves n'ont pas les facultés occultes, donc cachées, qu'avaient les constructeurs, les bâtisseurs des cathédrales, ou encore les maçons libres, les francs-maçons, les templiers, ceux qui, à l'époque, bâtissaient ces genres de structures, ces édifices. Les églises d'aujourd'hui, si elles ont été construites de matériaux lourds, permettent encore l'absorption de l'énergie émise par l'humain au niveau du culte. Autrement dit, l'église, qui a un clocher, qui est une antenne, l'église est souvent une farce par rapport à Dieu, c'est-à-dire que si l'on veut prier un Dieu, il est préférable de le faire à n'importe où, sauf dans une église. Par contre, si l'on veut placer son trésor dans le ciel, on doit le faire dans une église ou encore dans l'or. On va revenir là-dessus plus tard, dans d'autres conférences. Dans une église, celui qui prie, une église qui est capable d'absorber la vibration, il crée une atmosphère dans l'église. Et lorsqu'un individu rentre dans une église, il sent immédiatement l'atmosphère l'envelopper. Une personne qui va souvent à l'église et qui, à un moment donné, est dépressive, va dans une église et elle se voit remonter en énergie, c'est-à-dire qu'elle puise l'énergie que les fidèles ont placée dans l'église, dans les murs, dans le décorum de l'église, les statues, les idoles, les couleurs et ces choses-là. Lorsque nous prions dans une église, l'énergie de l'émotion reste dans l'église. Elle ne va pas dans le monde de la mort, sauf par le biais du clocher qui, normalement, est grandé, c'est-à-dire qu'il était restrifié et qui est relié à l'autel. Le prêtre, dans les traditions catholiques, a normalement un vêtement qui est brodé d'or ou d'argent, et il y a des fils qui descendent sur l'autel, et l'autel est un conducteur d'énergie vitale. L'autel est normalement grandé avec le clocher, qui lui sert d'antenne, c'est-à-dire que le vent vient traversant le clocher, et en plus, par l'intermédiaire des cloches, c'est un très grand communicateur d'énergie spirituelle haute des sphères astrales vers l'extérieur. C'est pourquoi la cloche fait fuir les forces démoniaques, enfin les forces basses, et c'est pourquoi aussi la cloche attire les fidèles. Elle vient faire résonner chez eux l'attrait de l'Église. Alors, normalement, quand on prie dans une église, on prie pour soi. Lorsque l'on prie dehors, on prie pour Dieu. Et il est toujours mieux de prier pour soi que de prier pour Dieu. Niccolo Paganini avait-il signé un pacte avec Satan? Si oui, expliquez. Ce qu'il faut comprendre quand on parle de signer un pacte avec Satan, il y a des personnages qui vont signer des pactes. Les pactes avec Satan ont été très, très, très rares. Ce bonhomme, comme d'autres, ont eu une entente avec des forces diaboliques. Ce sont des pactes avec le diable, c'est-à-dire des pactes avec des précurseurs, des pactes avec des démons expérimentés. Bon. Alors, un pacte avec le diable. Le diable est un phénomène qui condense. C'est-à-dire que c'est une entité qui n'est pas nécessairement personnifiable, qui n'a pas de corps physique et qui ne peut donc pas se déplacer, mais qui peut être n'importe où en même temps, parce que c'est la condition de l'expérience planétaire d'un démon qui a de l'expérience. Le démon est un rebelle, un révolté. Le démon, c'est un peu la guérilla des forces célestes, à l'intérieur des forces célestes, c'est-à-dire que tout ce qui est dans le monde de la mort est contre les phénomènes qui dirigent le monde de la mort, devient un démon. Et le diable va être la conscience collective alimentant et manipulant et régissant, donc le recteur des démons. Normalement, les personnes qui ont des pactes avec ces forces vont faire des pactes avec les démons, c'est-à-dire des pactes avec les forces basses des égrégores religieux. Alors, lorsque l'on parle du diable, normalement, le diable lui-même est un terme qui résonne plus dans le phénomène, dans le contexte catholique, romain, chrétien, etc. Mais évidemment, dans d'autres étymologies, dans d'autres religions, on aura des mots similaires qui désignent des entités de la même espèce, les révoltés des dieux. Alors, lorsque l'on fait un pacte avec ce bonhomme ici, qui a fait un pacte, il l'a fait avec le diable, c'est-à-dire qu'il a fait un pacte avec une entité expérimentée des forces révoltées ou rebelles des égrégores de notre religion. Qu'est-ce que c'est qu'un pacte avec le diable? Un pacte avec le diable, cela veut simplement dire que nous échangeons de l'énergie vitale des bas sphères, donc des bas fonds d'un égrégore, d'une religion. Cette énergie vitale, qu'est-ce que c'est que de l'énergie vitale? L'énergie vitale est la matière hautement énergétique qui peut porter le nom astrophysique, dîme de ou encore physique, de particules, enfin d'éléments subatomiques, ou d'éléments énergétiques constituant les molécules ou les particules subatomiques constituant les particules atomiques constituant les atomes, constituant les molécules, constituant la matière. Lorsque l'être humain pense, il engendre une énergie qui peut être détectable par un électroencéphalogramme, une énergie très basse, mais au début, cette énergie, elle est d'ordre vital, de type ominal. Lorsque l'être humain pense, s'il est capable de densifier sa pensée, il en crée de l'émotion. Alors, lorsqu'il pense à une affaire qu'il aimerait avoir, s'il y pense tellement, il va le densifier, créer de l'émotion. Alors, il va être content, il va jubiler, il aura peur. S'il continue à le densifier, il crée de l'énergie vitale avec. Et s'il continue à le densifier, il crée de la matière avec. Sauf que, comme on peut le constater dans l'explosion d'une bombe thermonucléaire, dans peu de matière, il doit y avoir beaucoup d'énergie. Alors, l'être humain doit prendre énormément d'énergie de pensée pour créer un peu d'émotion, pour créer un peu de vital, pour créer un peu de matière. Le pacte avec le diable, c'est que ses forces sont d'accord pour, pendant un laps de temps, il y a toujours un échange d'énergie, une loi de compensation qui doit exister au niveau de... qui existe d'ailleurs au niveau de toute l'écologie ou l'écosystème des forces d'évolution et d'involution. Lorsque l'humain fait un pacte avec le diable, c'est que le diable est d'accord pour permettre à l'humain de recevoir de l'énergie vitale de façon à projeter son désir émotif, donc de façon à avoir différents résultats ou à transmuer des métaux vil en or ou à gagner de loterie ou à manipuler des individus. En échange de quoi, après un laps de temps, toute énergie vitale du bonhomme ou de la bonne femme qui signe le pacte devra nourrir le monde de la mort, les forces diaboliques ou démoniaques. Donc, l'individu perd sa possibilité de continuer à vivre. Toutes les forces vitales de l'individu doivent servir le monde de la mort. Et je viens d'expliquer que la pensée, du point de vue mental, devient de l'énergie astrale, devient de l'énergie vitale et devient de l'énergie physique. Cela veut dire que l'âme est aussi constituée d'énergie vitale vibrant à un niveau astral, à un niveau psychologique, à un niveau âmique. Alors, lorsque la personne fait ce pacte, elle donne ses énergies physiques. Le corps, normalement, n'est pas retrouvé. Elle donne son énergie vitale. Elle donne aussi son énergie constituant l'âme. Donc, elle donne son âme au diable. Et nécessairement, elle donne le mental au diable. On n'en parle pas parce qu'à l'époque, l'idée du pacte avec le diable était beaucoup plus du contexte théologique. Et dans le contexte théologique manipulé par le monde de la mort, on parle de sauver son âme et de se crisser royalement de l'esprit. Alors, donc, on parlait aussi de donner son âme au diable. Alors, voilà le pacte avec le diable. Très intéressant, très fonctionnel, très problématique au niveau de l'évolution des humanités. Ça ne sert presque pas la sphère évolutive de l'humanité de faire un pacte avec le diable. Ça nourrit les forces sataniques, ça nourrit les forces diaboliques, ça nourrit les forces démoniaques, et ça ne nourrit pas les forces spirituelles. Et tous les fidèles de la planète Terre, jusqu'à date, nourrissent énormément les forces spirituelles, sauf dans quelques cas, simplement pour tamponner, pour équilibrer un peu. Est-ce que Hitler est vraiment mort à la fin de la guerre? Non, on peut dire qu'Hitler est mort avant la fin de la guerre. Mais la question elle est posée en ce sens, est-ce que Adolf Hitler s'est suicidé avant l'arrivée des forces des alliés en Allemagne, enfin à Berlin? Eh bien oui, Adolf Hitler est mort. La guerre n'est pas encore finie. Le Japon s'est fini après. Puis la Corée encore après. Le Vietnam après. Il reste le golfe persique. Alors, est-ce que Adolf Hitler n'est pas mort avant la guerre? Qu'est-ce que les ondines? L'ondine fait référence, le terme ondine fait référence à l'onde, l'onde fait référence à l'eau. L'ondine est un élément qui, dans les traditions relativement loin des traditions qui sont celtes, entre autres, les traditions, on parle des sirènes, c'est femelles, il y a aussi des mâles, qui ont une queue de poisson. D'ailleurs, Ulysse a pu expérimenter que le contact avec une sirène finissait toujours en queue de poisson, d'ailleurs. Bon. Alors, l'ondine est un élément qui ressemble un peu au farfadet ou au lutin, qui travaille dans l'eau. C'est intéressant de parler des farfadets, des lutins et des ondines, c'est qu'on s'imagine souvent, bon, ça n'existe pas non plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a l'humanité divisée en deux parties. Il y a la partie cartésienne, celle qui mathématise les choses, et la partie disons, intuitive, celle qui émotivement veut connaître l'univers. Le cartésianiste, lui, fonctionne d'une façon intellectuelle et il analyse les choses et il doit avoir une preuve expérimentée au niveau de l'ego et c'est pourquoi il créera l'expérience, donc la science, qui devra expérimenter, expérimenter, expérimenter et à travers l'expérimentation, on aura une preuve plus ou moins tangible. Il y a l'autre partie de l'humanité qui fonctionne d'une façon intuitive, émotive, qui, elle, pourra fouiller dans des sphères où la science ne pourra jamais fouiller et tenter d'expliquer sans preuve ce que la science connaît sans pouvoir l'expliquer. Alors, l'ondine, c'est un phénomène. L'ondine, c'est la même mécanicité qui permet à une plante. On prend une graine, on la met dans la terre. Comment ce grain peut-il savoir qu'il est un érable? Il est tout petit, mais tout ce qu'il va ramasser, il va le structurer de façon à ce que ce soit un érable. Eh bien, du point de vue de la science, on va parler de code génétique, donc on va parler d'une structuration ADNique qui oblige la matière à se structurer dans une forme particulière. Mais ça, c'est un point de vue très spirituel de la science, parce qu'elle ne peut pas expliquer l'idée. Alors, l'intuition va parler de la mécanicité subatomique, de l'énergie vitale, qui va structurer, qui va obliger la structure vitale des oligo-éléments et du soleil, l'énergie âme, de se former pour engendrer une forme d'érable. Et cette structure portera intuitivement un nom, on va personnifier, on va parler de l'érable, on va parler d'un gnome, qui est une espèce d'être qui va gérer. Et effectivement, une personne qui marche sur les roches, une personne qui sait comment marcher dans une forêt, est capable, à un moment donné, d'arriver à voir l'énergie vitale des arbres, des plantes, et elle pourra finalement aussi personnifier sa vision et voir un gnome. Un peu de petit lutin, bon. L'ondine, c'est la même chose, elle s'occupe des plantes et elle s'occupe de... Il y a différentes formes d'ondines qui vont s'occuper de la gestion subatomique, donc de la gestion vitale, de la procréative des algues. Entre autres, au niveau de l'ondine. Alors, on peut parler justement de l'ondine et trouver ça cute de parler d'une fée, par exemple, la fée qui elle, s'occupe de distraire les farfadets, les lutins, bon, et qui a la conscience psychologique d'un enfant de 4-5 ans, parce que les fées, ça n'a jamais de conscience qui est développée. Et les enfants vont jouer avec les fées, parce qu'ils auront une affinité de conscience, mais l'enfant, ils vont apprendre que ça n'existe pas. Et surtout lorsque l'enfant devient un peu trop humain, il perd le contact avec ce genre de phénomène. Alors, on peut parler de magnétisme. Hein? Depuis longtemps, mais ça fait au moins 4 ans que je dis que l'énergie vitale de l'homme est presque en correspondance avec l'énergie électromagnétique dégagée par la circulation d'un conducteur électrique dans un conducteur. Et j'ai déjà expliqué que toutes nos maisons étaient mauditement mal faites parce que tous les conducteurs électriques n'étaient pas terrestrifiés, c'est-à-dire groundés. Ils n'étaient pas blindés. Et là, l'Hydro-Québec commence à découvrir qu'effectivement, il y a des problématiques au niveau des conductions de courant continu et du courant alternatif, etc. Bien, c'est un peu la même chose. On peut parler, bon, le champ électromagnétique qui est perpendiculaire à un conducteur, on peut lui donner intuitivement un nom. On peut peut-être l'appeler un lutin. Alors, on peut voir l'aura d'un conducteur. Mais la science va dire, voyons donc, un lutin, on va appeler ça, mettez le nom que vous voulez, mais ça a même autre chose. Sauf qu'à un moment donné, il est plus facile intuitivement de parler de l'ondine qui va s'occuper de telle chose et qui est un recteur, un régisseur de l'évolution de certaines choses, que d'essayer de l'expliquer cartésiennement d'une façon scientifique où là, on n'arrive pas à s'en sortir. Un jour, on pourrait expliquer d'une façon scientifique le phénomène de l'ondine, du lutin, du farfadet, du gnome, etc. Mais avant qu'on puisse l'expliquer scientifiquement, si on décide d'accepter le contexte ésotérique et intuitif de ce phénomène-là et de laisser ces noms-là, on pourra régir un jardin, comme ils le font à Fenorm en Écosse, et faire pousser des plantes même en hiver, comme ils le font là. Par contre, si on décide que ces mots sont des superstitions, etc., puis qu'on veut comprendre la structure scientifique de la chose, eh bien, on va arriver aussi un jour à faire pousser des plantes en plein hiver. sauf qu'on va y arriver 3 000 ou 4 000 ans plus tard. J'ai deux questions ici. Existe-t-il au centre de la Terre des êtres qui ne sont pas nécessairement lumineux? Oui. Il y en existe un vaste paquet. Les êtres lumineux, ce sont des êtres qui n'ont pas de corps physique très, très, très élaboré. Les êtres, la majorité des êtres qui existent au centre de la Terre ou dans l'écorce terrestre sont des êtres qui ont des corps physiques ou qui n'ont pas suffisamment de densité vitale pour pouvoir apparemment rayonner aux yeux d'un voyant ou aux yeux d'une personne qui vit une extra-conscientisation astrale, ce qu'on appelle un voyant astral. Alors, ça existe. À partir des vers de terre qui ne sont pas lumineux, qui vivent sous la Terre, aller jusqu'à des entités qui sont effectivement très infernales et qui n'ont pas de consistance. Ce sont des exécuteurs, c'est-à-dire que ce sont des phénomènes d'entités qui, dans un voyage astral très bas, tu prends de la boisson ou de la drogue, lorsque tu reviens de ton voyage, le voyage maléfique, le bad trip, tu peux pénétrer ces sphères et tu rencontres des entités qui sont relativement laides, qui n'ont pas de consistance lumineuse, donc ils vont attirer ta lumière, ce qui fait qu'ils vont t'embarquer dans une perte d'énergie qui peut devenir suffisamment dramatique pour ton corps vital, qu'il va engendrer un processus au niveau de l'âme pour que l'âme sacre son camp, et on appelle cela le cauchemar. Pardon, ça engendre un processus de cauchemardesque. Le fait de rencontrer des entités qui ne sont pas lumineuses. Par contre, on peut rencontrer dans les sphères infernales des entités lumineuses qui peuvent apparaître sous forme de maîtres, de guides, etc. Et là, l'âme se plaît de les suivre parce que l'entité ayant récupéré suffisamment de ce qu'il y a comme vibration, comme énergie dans le centre de la Terre, peut t'en donner. Et c'est pourquoi l'âme vit donc un processus de bien-être, de sérénité au contact dans ce rêve qui reste un cauchemar blanc, un rêve qui peut l'amener à un moment donné à être assujetti, manipulé par ce maître, parce qu'un jour il ne puisera plus de l'énergie vitale de son foyer, le centre de la Terre ou l'habitat d'où il provient, mais il essaiera d'en puiser chez l'humain avec qui il aura ses contacts, et l'enfant deviendra une possession manipulatrice de ce bonhomme ou de cette bonne femme. Alors, quel que soit le maître, qu'il soit maître chez lui, et qu'il s'en aille là, justement, puis qu'il le sente. Est-ce que les forces astrales peuvent s'entre-manipuler? Les forces astrales ne font que cela, c'est pourquoi il y a des guerres sur la planète Terre, des guerres entre les hommes, parce qu'il y a des guerres entre les dieux. Et il y a toute une structure aussi de guerres et de problèmes à l'intérieur de chacune des théologies, parce qu'il y a des révoltes, des rebelles. Alors effectivement, les forces astrales se manipulent l'une l'autre. L'égrégore, le plus puissant, manipule les égrégores dans l'égrégore. Par exemple, l'égrégore théologique peut manipuler les égrégores nationaux, qui manipuleront à leur tour les égrégores politiques, qui manipuleront les égrégores locales, Montréal, Ville-Saint-Pierre, Saint-Henri, et qui manipuleront les égrégores familiaux, qui manipuleront, en fin de compte, l'âme, l'égrégore personnalisé de l'individu. Après la mort, est-ce que j'ai le choix d'aller dans le monde ou ailleurs? Bon, dans une conférence intitulée « Comment survivre à sa mort », j'expliquais le phénomène des deux morts. Une chose certaine, c'est qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on est mort. On n'a pas le choix quand on vit, mais on peut se placer dans une attitude d'attente active qui permet à des structures qui ont besoin de corps ou qui ont besoin de bouc émissaire ou de porte-parole de pouvoir se servir de l'homme. La création d'un double éthérique permet à l'individu, lorsqu'il meurt, de ne pas aller dans le monde de la mort, mais de rester dans le plan moronciel et de se diriger vers le double éthérique. Le double éthérique, c'est la constitution exacte, c'est la copie conforme de toute la structure vitale, ou disons atomique ou subatomique, qui permet la création du corps physique, vital, astral, l'âme et mental, ainsi que bien souvent le corps de l'ajusteur de pensée et les prémices du corps supramental. Lorsque le double éthérique est suffisamment constitué, lorsque l'âme meurt, elle n'a presque plus d'ego, donc elle n'a presque plus rien chez elle qui la met en attraction avec les mémoires de sa vie, bouclée dans le monde de la mort, donc elle n'aura presque pas d'attraction vers le monde de la mort. Par contre, elle aura, et c'est un processus de correspondance sous forme de loi, elle aura une attraction massive vers la seule chose qui sera semblable à elle, le double éthérique dans le plan moron ciel. Le plan moron ciel, c'est le plan de l'esprit dans la planète Terre. Alors, il y a le plan moron ciel et il y a au-delà du monde de la mort le plan de l'esprit, le plan supramental, le plan de l'Esprit Saint, et appelé aussi le plan christique. De là, si l'énergie christique touche un humain, l'humain devient un Christ. Et lorsque l'énergie christique, la première fois, touche un âme, Jésus est devenu Jésus-Christ. Bon. Alors, on n'a pas le choix une fois qu'on est mort. On peut vouloir rester attaché au contexte planétaire, mais lentement, on se fait désagréger par le dessous, donc digérer, et lentement, on se rend compte qu'on a mieux à faire en se laissant aller vers le haut. Et en grimpant vers le haut, on rencontre des phénomènes expérientiels que l'on peut personnifier comme disant, on rencontre des individus, des entités qui nous plaisent énormément, avec qui on peut jaser, en réalité, on ne jase pas, on télépathise, et finalement, avec qui on se sent tellement bien qu'on ne veut plus les laisser. Parce qu'en réalité, on est fusionné à eux, mais on ne le sait pas. Alors, on n'est plus un, on est un paquet de monde, qui, à un moment donné, allons se réincarner dans un corps physique, et c'est pourquoi à l'adolescence, on vient foutre la marde, c'est-à-dire qu'on sait plus ce qu'on veut, on sait plus où on va, c'est parce que chaque entité veut prendre le dessus du contrôle du corps physique. Et à un moment donné, si l'ego se fusionne suffisamment, l'adulte naît et il fait ses stades. On le choix. La fin du monde arrivera-t-elle? Bon, la fin du monde arrivera-t-elle? C'est une bonne question. Ben oui, ça va arriver, c'est évident. On a encore presque 3 à 4 milliards d'années avant que la fin du monde total arrive. Bon, mais elle va arriver. Si on veut parler de la fin d'un monde, et il y en a eu plusieurs. Présentement, on est à l'apogée de la naissance d'un être humain neuf, ce que j'appelle l'homme nouveau, ce que d'autres appellent le surhomme. Et Nietzsche en a parlé, Cyril Robinson en a parlé, Krishnamurti en a parlé, puis d'autres en parlent. Bon, les grandes gueules, il y en a toujours eu. Alors, on approche de l'expression d'une entité nouvelle, c'est-à-dire que l'humain du Québec, entre autres, est en train, à son insu, de développer une programmation nouvelle au niveau de son système neuronique, c'est-à-dire qu'il a la faculté maintenant d'accepter les choses neuves. Sur la planète Terre, le Québécois est la race accepte le plus facilement des choses neuves. C'est le seul qui se fout des traditions et de plus en plus s'en fout des traditions. C'est l'un des voyageurs sur la planète qui est le plus et le mieux accepté partout dans le monde parce qu'on dirait qu'il fait partie de la famille. Le Québécois, il est barbu, il sacre, OK? La fois souvent, peut-être. Je parle de ceux qui voyagent souvent. Je les rencontre plein, je les rencontre des propres, là, je les rencontre d'autres. Et effectivement, le Québécois, lui s'asseoir avec n'importe qui dans n'importe quel pays, lui rencontrer des Anglais, c'est plaisant. Boire avec n'importe qui, le Français va vouloir boire avec les Français. Bien souvent. Le Québécois, n'importe qui, n'importe quoi. Bon. Alors, effectivement, il s'adapte très bien. Pourquoi? Parce qu'il accepte facilement le neuf. Et le Québécois a une autre qualité. Il n'est pas capable de vivre en troupeau aussi facilement que le reste des humanités. C'est-à-dire que le Québécois ne se tient pas, il ne s'aide pas entre lui. C'est sûr que c'est inécologique et stupide, mais cela permet la création d'un égo individualiste qui va devenir individuel dans sa conscience et qui, lentement, par l'individualisation de sa conscience, finira par avoir un contact avec son propre esprit, ce qui engendre une race neuve. Et quand je parle de race neuve, je parle de ce que, depuis longtemps, les prophéties promettent. Il y aura évidemment des ectopicités qui vont l'être un peu partout sur la planète. Il y aura des exceptions. En majorité, ça va provenir du Québec. C'est pourquoi notre plan d'immigration, présentement sur la planète, le Québec est de plus en plus vibré intuitivement comme étant une terre de promesses, une terre promise. Mais évidemment, quand l'ego arrive ici, c'est pas ce qu'il découvre. Il ne sait pas ce qu'il lui a amené, mais il y a des contextes intuitifs qui l'amènent. Or, lentement, ça va se déplacer vers ici. J'en ai parlé suffisamment dans une conférence. Le Québécois, c'est une race de cochon. C'est une race à part. Ce qui prouve le réel, est-ce la matière ou l'immatériel? Première question. Ce qui prouve le réel. J'ai fait une conférence, la première que j'ai faite de ma vie, c'était la réalité de l'illusion. Qu'est-ce que c'est qu'une chose réelle? Une chose réelle ne peut être réelle qu'à partir d'elle-même. Alors, ma matière accepte comme étant réelle la matière. Mon plan émotif accepte comme étant réel l'émotion des autres et la mienne. Mais une chose qui ne peut accepter la condition d'une chose que cette condition provient d'elle-même nécessairement n'existe pas. Autrement dit, si mon corps physique ne peut accepter la réalité de la matière que parce que la matière est comme le corps physique, je peux considérer que de ce point de vue, la matière n'existe pas. Parce que je mémorise cette accréditation de réalité matérielle, je pense que la matière existe. Alors, qu'est-ce que la réalité? La réalité, c'est tout ce que vous êtes capable d'accepter comme réalité. Et qu'est-ce que l'illusion? L'illusion est tout ce que vous n'êtes pas capable d'accepter comme étant réalité, avec lequel vous allez quand même accepter de vivre. Et la réalité cosmique est une chose qui ne peut pas être vécu ou perçu ou intelligencé du point de vue de l'homme qui vit d'une réalité planétaire, mais même la réalité cosmique, du point de vue extra-cosmique, devient illusion. Autrement dit, c'est intelligent de faire ses besoins dans la chaudière. Lorsque la toilette existe, la réalité change. Et comme j'expliquais à un moment donné, l'humain trouve qu'il vit bien. Hein? On est dans tout et pour le mieux dans le meilleur des mondes. Parce que nous sommes programmés à accepter cette merde que nous appelons le meilleur des mondes. Tout est pour le pire dans le pire des mondes. La réalité d'un être humain fait partie intégrale de l'illusion de sa conscience. La réalité n'existe pas d'une façon immuable. Et la coloration de la réalité muable s'appelle la vérité, qui est la tentative de l'ego, de l'âme, de fixer, de figer une réalité qui est sans cesse en mouvement, qui s'appelle le neuf. Et une coloration du neuf devient la vérité, une chose que lorsque l'on l'a trouvée, elle devrait rester fixe. Mais à un moment donné, ta vérité ne s'appliquera plus. Dieu un jour a dit que l'homme mort devrait être circoncis. Parce qu'à l'époque, l'intelligence se rendait compte qu'une humaine était tellement sale qu'il ne se lavait pas le pénis. Et lentement, on avait la phimosis qui rendait l'humain impropre à la fécondation, donc stérile. Alors l'intelligence a archétypé l'égard d'un peuple et a obligé la circoncision des mâles en bas âge. C'est une réalité, une vérité cristallisée. Et aujourd'hui, on continue à circoncire inutilement, et là, ça devient la vérité, une réalité qui est morte, parce que l'humain ne s'adapte plus aux nouveautés. Alors, lorsque nous parlons de la réalité, nous devons toujours faire attention à cette illusion, la réalité, elle est neuve, donc changeante. En réalité, je vous le dis aujourd'hui, la réalité de demain sera autre chose. Lorsque nous voulons parler pour créer un égrégore, ce que Nazaréen faisait, c'est en vérité, je vous le dis. Autrement dit, conserver ce que je dis. Et cela crée un réceptacle énergétique qui permet à l'humain de pouvoir se focaliser. C'est-à-dire qui permet à l'humain de pouvoir travailler dans un but qu'il ne comprend pas, mais que le Nazaréen savait juste. Pas bon, juste. Alors, à un moment donné, l'humain devrait parler en disant en réalité. Cela lui permet de dire n'importe quoi le lendemain matin. Parce que la vérité oblige à la stagnation. La réalité, c'est irréel. Shambhala serait impressionné par le lobe de Sirius. Est-ce réel? Shambhala est l'un des grands, l'un des rares égrégores bloqués sous la planète Terre. Il y a la Gartha. La Gartha a été donc de la Gartha est provenue toute la gérance de l'évolution de l'homme, et de Shambhala va naître la gérance de l'évolution ascendante de l'homme, sauf que présentement, il y a une guerre entre Shambhala et Agartha qui oblige les forces shambhaliennes à être des forces de stagnation. Impressionné par la loge de Sirius et autre chose, ce sont des choses qui sont intéressantes, sur lesquelles on ne doit pas trop parler, parce qu'il y a des conditions présentement au niveau des forces astrales qui ne doivent pas être ici. Chaque fois que je dis des choses, l'astral est au courant. Chaque fois que d'autres conférenciers parlent, et chaque fois que vous parlez, vous mettez au courant le monde de la mort, le monde astral, et celui-ci, nécessairement, par contact intuitif et inconscient avec d'autres individus, les informe aussi. C'est une loi, d'ailleurs, en affaires, quand il faut être capable de supporter certaines conditions et il faut déjà avoir programmé ou habitué notre ego, notre âme à certaines conditions qui sont existentielles à l'échelle de notre planète et en ce qui concerne la phénoménologie de notre évolution. Comment arriver à protéger autrui? Il faut absolument savoir comment menacer le monde de la mort et comment savoir aussi comment nous pouvons parvenir à faire souffrir le monde de la mort pour que celui-ci ne puisse plus, ne veulent plus être peur. On doit développer la peur horrible dans le monde de la mort, ce que le Nazaréen a fait. On doit par la suite développer la crainte et par la suite amener l'autorité. Et je ne peux pas dire en conférence comment y parvenir parce que certains vont s'essayer et ils n'auront pas la puissance mentale nécessaire et vont se taper du soir maudit. Alors, il y en a qui vont y parvenir sans passer par le séminaire. C'est évident. Je ne suis pas la porte ouverte sur l'humanité. Il y en a qui ont déjà fait des colères mentales. Il y en a aussi qui vont le découvrir de par eux-mêmes. Et évidemment, il y a suffisamment de chemin à l'extérieur de moi pour que, de toute façon, l'humanité un jour arrive à s'en sortir. Je suis un phénomène. Je ne suis pas le phénomène par excellence. Mais une chose certaine, c'est qu'en ce qui me concerne moi, je préfère parler de cette mécanicité à des gens que je sais prêts. Alors, je ne dis pas que le public qui assiste aux conférences n'est pas prêt, sauf que je suis certain que lorsque j'ai travaillé avec eux 2 jours de temps, ben, je connais maintenant leur texture. Parlant de miracles, explique celui de la multiplication des pains que le Nazaréen a fait. Bon, alors tout à l'heure, j'expliquais le phénomène de la pensée, qui, si elle est densifiée, devient émotion, si elle est densifiée, devient vitale, etc. Or, la multiplication des pains, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pains n'ont jamais été multipliés. C'est que chaque fois qu'une mère rentrait dans une chaudière, elle créait elle-même le pain qu'elle prenait. Et il restait autant de pain à la fin qu'au début. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? C'est simplement passé que le Nazaréen avait la faculté de condenser l'énergie émotive de tout le monde. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Nazaréen, qui était d'ailleurs une expression de l'amour sur le plan planétaire, c'est-à-dire de l'attraction, le Nazaréen aimait l'humanité, mais l'humanité l'aimait énormément aussi, ce qui a donné suffisamment d'énergie au Nazaréen pour qu'il puisse accomplir des choses. Lorsque l'humain a besoin d'une chose, et lorsque l'ego, lorsque l'âme, lorsque vos mémoires ne font plus obstacle à quelque chose de neuf, elles se le permettent. Mais jusqu'à date, l'humain a toujours été programmé pour s'en remettre aux forces de Dieu. Et c'est pourquoi l'énergie christique, traversant par le corps de Shehoshua, de Jésus, a été obligée de prétendre provenir et de prétendre à être le Fils de Dieu. Étant le Fils de Dieu, cela permettait à l'humain d'accepter l'autorité du Nazaréen. Et étant donné que la foule acceptait l'autorité du Nazaréen, le Nazaréen, ayant l'autorité collective de tout le monde, pouvait dire n'importe quoi, et l'humain le lui permettait. Alors, dans une foule, l'humain lui a permis de créer le pain, le poisson et d'autres choses. Ce que je veux dire simplement ceci. C'est que moi, je suis, par exemple, incapable de faire une chose. Je prie mon Dieu, et si mon Dieu m'autorise à le faire, je vais réussir à le faire. En réalité, je me serai autorisé à le faire. Le Nazaréen, s'il vient et s'il dit des choses, personne ne peut le croire. Les premiers à avoir fouillé dans la corbeille de pain ont été les apôtres, et c'est à eux qu'il a parlé. Les apôtres, émotivement, ont instruit le monde de la mort auquel était reliée la collectivité que ta boîte, bon, et nécessairement, ils sont passés en fou et tout le monde a pu prendre des pains, puis il y en a eu suffisamment pour tout le monde, il y en a toujours plus. Pourquoi? Parce que le public était convaincu que le Fils de Dieu leur permettait. Donc, le public s'est autorisé à créer le pain. Et c'est comme ça que ça marche. On pourrait élaborer énormément. Je vais revenir à un moment donné sur le processus du miracle. D'ailleurs, je pense suffisamment de papier. D'ailleurs, on va essayer de diligencer un peu les choses. Alors, quelle est la raison intelligente de l'existence de la vivisection sur la planète Terre? Première question. Bon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a énormément de mécanicités qui sont nécessaires pour permettre la dilution et la division de l'expérience au niveau des corps physiques. Je réponds à la personne, je vais répondre le plus brièvement possible, ce qui fait que je ne pourrai pas expliquer chaque fois toute l'ampleur d'une question. Je vais répondre aux individus qui ont posé leur question. Or, la raison est la dilution du secteur biologique pour permettre l'expérientiation plus collective et plus grandiose et plus rapide du phénomène de l'évolution et de la transmission par la génétique. Le cancer est-il une maladie virale? Le cancer est viral, sauf que le cancer, c'est la transmutation que va faire l'homme sur un virus de façon à ce que le virus puisse par la suite pathologiquement détruire le corps physique. Il y a deux formes de cancer. Il y a un cancer qui est d'une panique géniale de l'ego à la vision du vieillissement et de la mort et qui donne l'ordre aux cellules de se reproduire pour ne pas mourir, ce qui finalement engendre une prolifération cellulaire qui n'est plus dans un plan comme elle devrait être, mais qui devient pluriplanisée, c'est-à-dire que ça prolifère de tous les côtés, ça crée des tumeurs et ça crée un genre de cancer intéressant qui est la tentative de l'ego de ne plus vieillir et de ne pas mourir, ce qui engendre la mort du corps physique et un vieillissement prématuré. Il y a une autre forme de cancer qui est celui où le corps humain aura sa mutation et il y a un problème, on parle de fin du monde ou fin d'un monde, il y a aussi la naissance d'un phénomène neuf, d'un surhomme ou d'un homme nouveau, de quelque chose de neuf sur le plan planétaire et qui naît à partir même des corps déjà vivants, une mutation neuronique, endocrinienne, psychologique et physique. Dans cette mutation, il arrive de temps en temps que l'énergie vitale, parce que l'être humain vit un psychostress de l'évolution, une espèce d'ivresse de l'évolution aussi à un moment donné, et cela peut altérer l'enveloppe vitale de certains virus. Et l'enveloppe vitale des virus crée une mutation dans le virus. Le virus muté a une affinité parfaite pour le corps physique qui l'a muté et il engendre une prolifération de certaines substances qui créent des substances qui vont être cancérigènes, engendrant les cancers. Daniel, comment doit-on comprendre le phénomène de la réincarnation face à l'avortement? Bon, l'avortement est une manipulation des forces d'intelligence qui oblige l'humain à refuser les corps physiques qu'il crée sans comprendre le pourquoi. Il y a eu, à un moment donné, une expression intelligente qui a expliqué à l'humain au niveau de l'émotion, « Croissez et multipliez-vous ». Au niveau de certaines structures hautement évolutives, présentement, comme à l'échelle du Québec où on n'a pas d'enfants et où on aura l'avortement, quand je parle du Québec, je parle du KEBEK, le Québec ésotérique, qui est le bouclier canadien au complet, cela veut dire une partie du Canada. Entre autres, il y aura évidemment l'avortement un peu partout ailleurs par communication collective, c'est-à-dire qu'une chose se fait dans un pays, évidemment, elle se fait ailleurs. Bon. L'avortement, c'est quoi? C'est que l'humain doit avoir des enfants maintenant, plus tard, pas jeune, plus vieux. Pourquoi un peu plus âgé? Parce qu'il a la faculté de cellulariser, donc de transformer son code génétique d'une façon plus rapide qu'antérieurement, et on arrive dans une phase où du monde de la mort de se réincarner des entités qui ont besoin de véhicules physiques beaucoup plus supportables et de beaucoup plus supporteurs, de façon à permettre un contact avec l'intelligence supplémentaire, avec l'esprit, dans les décennies qui vont venir. Alors l'avortement, c'est exactement une manipulation des forces astrales qui est manipulé par les forces d'intelligence, oblige les corps physiques à ne pas être capables de servir de réceptacle à la réincarnation ou à l'incarnation de certaines entités pour permettre une temporisation de ces réincarnations de façon à ce qu'elles viennent au monde après les conflits qui risquent de bouleverser le monde. Évidemment, on peut dire, Daniel Kemp, êtes-vous pour l'avortement? Moi, je suis totalement contre l'avortement. Les forces intelligentes, ils ont rien qu'à se trouver un autre moyen. Ça n'empêchera pas l'avortement, mais personnellement, je suis contre. Il est bien évident que si l'humain comprendrait la mécanicité de l'abstinence d'avoir des enfants ou même de l'abstinence de la relation sexuelle, parce que lorsqu'on avorte, c'est parce qu'on ne voulait pas l'enfant. Si on ne veut pas l'enfant, on ne joue pas avec le feu. Bon. Si l'humain comprendrait cela, évidemment, ça serait plus intelligent. Parce que chaque fois qu'on crée un enfant et qu'on l'avorte, on épuise gros comme un immense cumulonimbus d'énergie dans le monde de la mort et dans le plan vital. Alors, l'humain est fatigué, l'humain dort de moins en moins, l'humain est stressé, l'humain a de la difficulté à s'alimenter convenablement, l'humain a des problèmes de maladie parce que l'humain manque d'énergie vitale. Et chaque fois qu'on tue, eh bien, on détruit un potentiel tellement énorme d'énergie vitale que cela demande des forces gestionnaires des naissances, enfin des procréations, de puiser. Et puisant, il s'épuise. Et épuisant, bien, l'homme se sent épuisé. Alors, moi, je suis tout à fait contre l'avortement. Ça avorte encore. Explique ton jeu de mots avec Lazare et hasard. On a du monde intéressant ici, c'est rapide, hein? Bon. Ouais, mon jeu de mots. Je vais expliquer un peu plus, là, ça va prendre un petit peu de temps. C'est un bon jeu de mots. Lazare, c'est un personnage intéressant qui a connu le Nazaréen. Lazare a été le seul phénomène humain à l'époque du Nazaréen qui a accepté l'initiation solaire, l'initiation du retour aux enfers, la pénétration du monde de la mort sans perdre de la consistance de son corps. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que lorsque Lazare est revenu, lorsque le Nazaréen a ramené Lazare, tout le monde disait mort alors que le Nazaréen disait qu'il dormait. Il était dans le monde de la mort, mais il n'était pas mort. Lorsqu'il l'a ramené, il l'a ramené en même temps que Lazare, l'entité d'Hiram-Abiff qui a été le plus grand architecte à l'époque de Salomon. Il n'a pas ramené que l'entité lazarienne, c'est-à-dire que Lazare est allé chercher dans le monde de la mort des entités et le Nazaréen les a ramenés, créant ce phénomène de Lazare. En même temps, il a permis une fusion entre Lazare et Jean. Et par la suite, sur l'île de Patmos, la fusion se finalisant, Jean de Patmos a écrit l'Apocalypse. Lazare est le seul phénomène qui, sur le plan planétaire, peut régir la mécanicité évolutive de l'homme. Le contexte illusoire a été donné à Pierre, qui était trop faible, trop chialeux, trop grande gueule, et c'est lui qui maintenant supporte toute la condition évolutive du voile, protégeant les forces lazariennes et les forces d'évolution de l'inconscience de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, présentement, c'est souvent l'homme, c'est trop de choses. Et ce voile a été placé là par Pierre, dont la majorité des églises, de façon à préserver ce qu'on appelle l'ésotérisme théologique. Lazare dirige le bien, Lazare dirige le mal. Lazare est exactement comme un bonhomme qui a acheté une ville. Et dans la ville, il y a une rue principale. Et dans la rue principale, Lazare bâtit un cimetière, il bâtit un endroit pour les putains, un bordel, il bâtit un endroit pour la drogue, un endroit pour l'alcool. Et de l'autre côté de la rue, il bâtit un cinéma où il y aura des vies évolutives, il bâtit les maisons pour les jeunes, il bâtit des phénomènes pour aider l'humain. Et de temps en temps, lorsque l'humain est trop vers le bien, Les corps physiques n'ont pas suffisamment d'expérience et Lazare ordonne, comme aller au priori de Sion pour la Deuxième Guerre mondiale, de faire une propagande et il orchestre la manipulation des forces astrales de façon à ce que l'humain rentre dans une tangente planétaire. Lorsque le mal est trop puissant, on met de la publicité pour le bien et lentement le monde revient et l'humanité se promène comme ça. Et lorsque je dis le hasard, en réalité c'est le Lazare. Qui, justement, fait en sorte que, de temps en temps, dans le contexte, j'en ai parlé tout à l'heure, certaines personnes vont réussir des choses par hasard. Non, c'est parce qu'on leur permet de façon à instruire le monde de la mort. Alors, c'est par l'hasard. Tout être humain étant un dieu en potentiel lors de la célébration d'une messe, que peut représenter ou plutôt que peut apporter ou quelle serait la symbolique que de recevoir la communion? La communion, c'est un phénomène intéressant et c'est un phénomène qui est minime. C'est-à-dire que chaque être humain devrait un jour avoir la possibilité de supporter l'idée qu'il est son seul maître. Au même titre que le Nazaréen l'a été. Les forces astralisantes qui, de la mémoire du passage nazaréen, parce que le Nazaréen est parti, et il y a la mémoire de son passage qui veut être nourrie, et c'est elle qui engendre l'idée de « faites attention, prenez-vous pas pour quelqu'un d'autre », et l'idée du blasphème. Mais en réalité, le Nazaréen lui-même l'a dit, « un jour, vous ferez la même chose que moi, et même plus ». Lui-même a dit « ah, béni soit celui qui l'a dit, mais faisons le pas, c'est un blasphème ». Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la communion est la même quoi? La communion, c'est qu'au nom du Christ, on baptise un corps matériel qui peut supporter de l'énergie et on la donne à l'humain qui doit ne pas la souiller de ses mains. Logiquement, maintenant, il la souille de ses mains. Bon, c'est pas plus grave que ça, parce que de toute façon, l'humain, maintenant, est devenu tellement puissant qu'il peut prendre l'énergie autrement que par la communion. Dans la majorité des cas, pas pour tout le monde. Alors, on prenait l'hostie au nom du Christ, c'est-à-dire que le nom, j'en ai déjà parlé dans la puissance du nom, qu'au nom du Christ, on amenait l'énergie grégorienne de cette mémoire christique et on faisait en sorte que l'hostie puisse s'en pénétrer. Et lorsque l'humain, par sa salive, l'absorbait, parce que l'hostie ne la croque pas, ne l'avale pas, j'ai déjà expliqué que l'énergie vitale s'accumulait par la bouche. Et que la salive, étant de l'eau, un grand conducteur d'énergie vitale, elle pouvait, si on mastiquait bien des aliments, par exemple, ramasser ce que les hindous appellent le prana, l'énergie vitale de l'aliment. Et après ça, on peut avaler. Quand on mange la viande, on peut l'avaler tout rond, il n'y a pas de problème. L'estomac travaille, puis ça le renforce, de malaxer les choses. Alors donc, si la communion permet à l'individu de recevoir là, cette mémoire énergétique qui peut le remonter un peu. Comme d'ailleurs, la confession purge l'individu de la culpabilité. Ce qui est absolument génial. Sauf qu'un jour, l'humain doit se prendre en main et savoir qu'il n'est pas coupable parce qu'il est manipulé et ce n'est pas lui qui accomplit les gestes d'actes qu'il déteste ou encore qui lui amène les karmas négatifs. Alors, il n'a plus besoin de la confession parce qu'il se pardonne lui-même. Bon, mais les forces astrales récupèrent là-dedans. La communion, c'est la même chose. Lorsqu'on a besoin d'énergie, on la prend là où elle est. Lorsqu'un jour, chaque être humain, homme ou femme, sera son seul prêtre, ça fonctionnera mauditement mieux. Mais évidemment, étant donné que l'égrégore du passage nazaréen a été constitué par un état psychologique, pathologique, évolutif de l'époque, dans ce sens, la femme n'avait pas d'âme, bien évidemment, encore une fois, seul l'homme peut devenir un prêtre. Et la femme, une vestale, une vierge pure qui doit servir les forces de l'homme et les forces de Dieu. Mais, mesdames, mesdemoiselles, vous devez savoir que chaque femme, chaque homme a la faculté d'être son seul maître, donc d'être son seul prêtre. Il y a des prêtres qui bénissent de l'eau et l'eau pourrit. L'eau n'est pas bénite. Il y a des prêtres qui bénissent de l'eau et l'eau ne pourrit pas. L'eau est bénite. Et je connais des personnes, moi, qui ne sont pas prêtres. Et l'eau ne pourrit pas. L'eau est bénite. Alors. Pourquoi le Titanic a-t-il fait naufrage? Bon. Il y a une chose intéressante qui a toujours limité l'évolution cartésienne, ça a toujours été la lutte intuitive des forces égrégoriennes. Chaque fois que l'être humain a bâti un phénomène majeur, il a toujours eu l'indécence de le baptiser au du nom d'un dieu. Que ce soit le Poséidon, que ce soit le Titanic, et que ce soit un paquet d'autres vaisseaux ou d'autres grandes constructions que l'humain a bâties, lorsqu'il plaçait soit un égrégore, lorsque l'être humain aimait un nom qui possède trop de puissance au niveau des forces de la mort, des forces astrales, qu'elles peuvent nuire aux forces astrales, ces forces vont se concentrer pour détruire la chose. Le Titanic, toute la population du Titanic a refusé de croire que le navire sombrait. Les personnes n'ont même pas voulu mettre leur gilet de sauvetage parce que ça n'allait pas avec leurs habits. Ce n'était pas cute. Les marins ont pris la moitié des embarcations pour se sauver parce qu'eux se sont rendus compte que ça coulait. Et en tout cas, je pourrais raconter des choses en fouillant dans cette mémoire. C'est absolument invraisemblable ce qui est arrivé. Et comme dans toutes ces mécanicités astrales, il y a toujours un bonhomme à un moment donné qui va traduire quelques années avant les drames, le drame. Hein, on peut parler de l'histoire du Titan, qui est un roman écrit par un bonhomme. Et le Titan est un bateau qui a le même tonnage que le Titanic, le même nombre de passagers que le Titanic. Et c'est son premier voyage inaugural. C'est le plus gros des bateaux, etc., etc., etc. Et il coule avec, frappé par un iceberg, et patati patata. Bon. Et presque tout le monde meurt, parce que tout le monde s'amuse. Et quelques années après, le Titanic fait la même chose. Alors, le monde de la mort, c'est un phénomène extrêmement intéressant. Aujourd'hui, je m'amuse un peu parce que, bon, on parle de l'au-delà du réel, alors c'est plaisant. Je ne m'enligne nulle part, puis c'était au bout. À un moment donné, il y a un bonhomme, et au niveau des forces, bon, la mer a été la première structure que l'humain a réussi à dépasser. Parce qu'à l'époque, la Terre, elle était plate, et on pouvait donc voyager aux quatre coins du monde. Et c'est pourquoi on parle des quatre coins. Et la mer, on tombait, il y avait les monstres, les dragons. Lorsque l'humain est arrivé à passer par-dessus les dieux de la mer, c'est-à-dire l'égrégore astral, qui confiait l'humain à rester sur son continent ou sur sa terre pour ne pas prendre, développer une conscience planétaire. Une conscience où tu es sur une planète, une petite boule. Et quand tu vois le soleil là-bas, il est tenu sur rien. Et quand tu vois la lune éclairée, c'est que le soleil l'éclaire. Il éclaire la partie ici de la Terre et t'es là, tu vois la lune. Pour que l'humain arrive à avoir cette consistance qu'il est dans une immense structure, fallait que l'humain développe et voyage sur les mondes de la mer. Toutes les entités grégoriennes se sont alignées. Premièrement, pour structurer le requin, structurer les polars, structurer différentes forces, tandis que l'intelligence structurait le dauphin. Et manipuler une partie de l'intelligence cérébrale de l'épaulard pour nuire ou aider à l'homme dans ses voyages. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les premiers voyages sur la mer étaient tellement intuitivement, émotivement grégorisés qu'il y a eu d'énormes drames. Présent, quand l'air, les voyages dans l'air ont commencé à apparaître, on a eu les mêmes drames. Que ce soit le Zeppelin, le Edinburgh, que ce soit d'autres phénomènes dans le genre où des catastrophes majeures sont apparues et où on les avait prédits avant. Et par la suite, ce sera les voyages interspatiaux, c'est-à-dire les voyages dans l'espace. Alors évidemment, le défieur, le challenger, c'est dangereux. Et c'est explosif comme nom. Alors, les forces astrales veulent confiner l'humain. Et lorsque l'humain est l'humain dans son orgueil, et c'est bon qu'il le fasse, ça crée des problèmes parce qu'après le Titanic, les navires ont commencé à passer. Après le Challenger, d'autres navettes vont commencer à fonctionner. Et après différents phénomènes dans le genre, les premières grandes tours défiant le ciel ont été détruites, que l'on peut se fier à Babel, qui est détruite par un tremblement de terre ou à ce genre de choses. Mais par la suite, l'humain passe. L'humain souffre, mais l'humain passe toujours. Sauf que si l'humain comprendrait cette mécanicité, au lieu d'appeler cela le Challenger, il appellerait sa navette Jéhovah, et jamais elle ne sauterait. Parler de personnes absentes pour se défouler, est-ce que ça a un lien avec un autre plan que celui des mémoires? Parler des personnes absentes pour se défouler, c'est essayer de prendre toute l'énergie que l'on refoule chez soi qui ne sert à rien et qu'on devrait normalement envoyer dans la face de l'individu, que l'on parle contre, pour que l'individu puisse Par le retour de l'onde de forme, nous énergiser, nous nourrir, ce qui nous soulage. Quand t'as perçu qu'on n'arrive pas à le faire, quand la personne n'est pas là par les comptes, ça permet un peu l'expression de ses forces, on s'entend par les oreilles, puis ça nous soulage un peu, ça nous énergie. Sauf qu'on ne devrait jamais parler contre une personne lorsqu'elle n'est pas là, pour la simple raison que, étant donné qu'elle n'a pas la possibilité de se défendre, étant donné qu'elle ne recevra qu'une parcelle par le monde de la mort de ce que vous dites contre elle, cela va énergiser le monde de la mort à cristalliser la personne comme elle est. Alors, si je n'aime pas une personne et que je parle contre elle dans son dos, je cristallise son état, donc je m'arrange pour qu'elle ne change pas. Si je lui dis en pleine face, je fais référence évidemment à son ego. Il y aura peut-être une guerre d'ego. Donc, elle pourra se défendre, mais se défendant, elle risquera peut-être aussi d'amener des explications à ce qu'elle fait. Et cela va instruire son ego de certaines choses, ce qui, à la longue, pourra l'amener à changer. Donc, travailler dans le dos d'une personne, c'est l'empêcher de fonctionner. Parler en bien d'une personne dans son dos peut être intéressant et utile parce que ça cristallise la personne dans sa béatitude, sauf qu'on l'empêche encore une fois d'être elle et de changer selon ses possibilités. La meilleure chose à faire, c'est de ne jamais parler de personne quand elle n'est pas là. Intellectualiser, ce n'est pas se conscientiser, mais les cellules mémorisent-elles quand même? Intellectualiser, ce n'est pas se conscientiser, mais intellectualiser en essayant de toujours démolir ce qu'on intellectualise, c'est une forme de conscientisation. Souffrante et douloureuse, mais ça fonctionne. L'intellectualiste engendre quand même une cellularisation de son évolution. Sauf que l'ego n'a pas la conscience de comprendre, l'évolution se poursuit quand même. Est-ce que dans un rêve, il se peut que quelqu'une autre personne rêve la même chose que nous et qu'on soit au même endroit en même temps? Chose que j'ai dit souvent, c'est que dans cette réaction, tout se peut. Par quelle mécanicité l'astral peut-il se diriger vers les proches de quelqu'un qui se conscientise? Est-ce par affinité vibratoire? Étant donné que émotivement l'individu qui se conscientise est attaché à autrui, nécessairement il place son énergie dedans. L'énergie émotive, donc l'énergie astrale, l'énergie de son âme, ils ont l'affinité ensemble, ils s'aiment. Alors, étant donné que cela est fait, toutes les personnes que l'entité aime ou a une relation émotive avec, soit une guerre ou soit de l'amour, donc une relation émotive, ces personnes-là peuvent recevoir les mêmes contingences qui manipulent l'individu central qui est émotivement relié aux autres. Mais étant donné que la force chez l'individu appartient à l'individu et non pas à ce qu'il aimait, lorsque l'astral ne peut plus communiquer, manipuler l'individu par l'individu, elle va passer par les bribes de l'individu émotif, laissées dans ceux qu'elle aime, mais la puissance mentale de l'individu ne peut pas être communiquée, donc elle aura une facilité à passer par les individus que l'autre aime et les charrier de façon à faire chier l'autre. Tu les aimes, c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, même s'il y avait la petite vérole, t'en fous. Quelqu'un que t'aimes, ben là, demain, c'est compliqué. Alors, le temps que tu t'es pris avec ça, t'évolues. Enfin, t'évolues, mais t'as plus la conscience d'évolution, ça fait moins chier le monde astral. Être amour dans le sens universel, est-ce un bon moyen de se préserver des entités de la mort? Être amour dans le sens universel, c'est facile à dire. Si vous êtes capable de tuer quelqu'un sans l'haïr, vous aimez. Si vous êtes capable de regarder quelqu'un mourir sans que ça ne vous fasse absolument rien, vous aimez. Si vous êtes capable, ou si vous observez qu'il n'y a plus rien sur la planète que vous n'aimez pas, vous aimez. Cela veut dire que vous aimez les salamandres, que vous aimez les tortues, que vous aimez les sangsues, que vous aimez les coquerelles. Ça ne veut pas dire que vous les élevez. Ça veut dire que vous les aimez. Ça veut dire que vous ne les haïssez pas. Si vous êtes capable de laisser n'importe quoi s'approcher de vous et s'en aller, même après 20 ans de côtoyage, sans que ça ne vous fasse rien, et sans que vous essayiez de le récupérer, vous aimez. C'est de l'amour intelligent. L'homme aime trop de l'amour psychologique. C'est-à-dire que l'expérience d'un phénomène crée chez lui une condition astrale, comme on fait au niveau du monde des égrégores, et par la suite, cette condition astrale va être nourrie, donc elle nécessite la présence de l'objet ou de l'autre. Et lorsque l'autre s'en va pour 2-3 semaines, 1 mois, 1 an, on s'ennuie, c'est-à-dire qu'on souffre à l'intérieur, on n'est plus nourri. Alors on peut prendre des photos pour réénergiser la bébelle à l'intérieur. C'est de l'amour psychologique, c'est de l'amour dans le sens « j'aime les fleurs, je les tue, je les mets dans un bocal et j'aime les fleurs. » Et quand la fleur change, elle ne me nourrit plus. Alors la fleur, elle est fanée, elle est plus belle, je la jette, c'est sûr, et j'en ramasse d'autres. Bon, au niveau de l'humain, vu que l'humain passe plusieurs années, ou du serin, ou du chat, ou du chien, bien, vu que ça passe plusieurs années avec l'homme, lorsque la chose meurt, c'est une partie de celui qui reste vivant qui meurt. Alors, il se dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant sans lui? Tu vas faire ce que tu faisais avant de le connaître. Même chose. Sauf que vu que maintenant, tu l'as connu, t'es fait. Alors, l'amour universel, c'est très intéressant. Ça se vit, je le vis. Certains autres le vivent. Mais il faut faire attention, l'amour universel, c'est pas de dire à tout le monde qu'on les aime. Ça, c'est les haïr. Vivre une belle passion d'amour avec une femme, est-ce jouer à ramasser des pots cassés à courte échéance? Bon, enfin, je pense que tout le monde a la réponse, là. Vivre une belle passion d'amour avec une femme, c'est parfait tant que la femme ou tant que vous allez vouloir la vivre. Puis comme tout est changeant, alors il faut s'attendre à ce que tout change. Ça ne veut pas dire qu'on aura des pots cassés. Si on s'attend à ce que ça change, on n'aura jamais de pots. Si on refuse le changement, on aura des pots piquillons. J'ai beaucoup de questions ici. C'est un bon résumé. Moi, j'ai l'impression qu'on est seul au monde dans ce cas-là. Pourquoi la femme? Est-ce une invention pour nous retarder? Question d'âge. Ou nous faire damer, ou pour nous amuser sexuellement, ou nous faire vivre une expérience. Bon. Tiens, il y a un avocat d'Allemagne qui me disait qu'il voulait que j'organise une conférence pour expliquer pourquoi la femme, il y avait tant de femmes battues au Québec. Puis lui, il me dit que je peux même en donner une partie de la conférence. Moi, je vais dire aux femmes, ben, c'est simple, c'est parce qu'ils n'écoutent pas les trois. C'est pour ça que dans le sens, ben, tu ne crois pas. Moi, j'ai l'impression qu'on est seul au monde. Dans ce cas-là, pourquoi la femme? Ce qu'il faut comprendre, et ça, c'est important dans la tête des mâles et des femelles. Parce que j'ai déjà fait une conférence où j'expliquais que la femme, elle avait un rôle aussi puissant que celui de l'homme. Les questions après, pourquoi dites-vous que la femme ne sert à rien? Alors, j'ai fait Psychologie de la femme 2, où j'ai répété les mêmes mots d'une chose. Puis encore les mêmes mots d'une question, pourquoi dites-vous que la femme ne sert à rien? La femme, elle est belle, pourquoi dites-vous qu'elle est laide? La femme, elle est puissante, pourquoi dites-vous qu'elle est faible? Torieux. L'égrégore est puissant. Il y a une entité qui vit biologiquement. Et cette entité a la faculté de se reproduire de par lui-même. Il est autoprocréateur, c'est-à-dire qu'il est hermaphrodite. Comme la cellule se divise. Comme le lombric, on le coupe, ça en fait deux. Comme l'hippocampe, le mâle a des petits, la femelle a des petits. Puis comme beaucoup d'arbres et de plantes. Mais à un moment donné, l'énergie vitale, l'énergie de procréation, celle qui sera capable de se diviser et prendre de la matière et reconstituer le phénomène comme la matière, la matrice, cette énergie, elle va servir à autre chose. Elle va servir à développer un cerveau qui sera capable d'entrer en contact avec des mémoires astrales, par la suite mentale, par la suite supramentale, et elle va servir à créer un centre laryngé qui pourra développer la parole, qui permettra à la conscience de créer le mot. Et le mot pourra permettre à la pensée de penser en mots, développant une pensée. Là. Cette énergie vitale va vers le cerveau et le centre laryngé. Ça prend énormément d'énergie vitale à créer des neurones. C'est pourquoi lorsque l'enfant est en phase de développement neuronique, il n'est pas procréatif avant sa puberté. Alors, 100% de l'énergie vitale sexuelle de l'individu est divisée en deux parties. Une partie crée le cerveau et le centre laryngé. Le bonhomme, enfin l'entité, ne peut pas se reproduire. Et parce que c'est un homme le premier qui l'a compté, on parle de l'homme, et lentement, la femme a été créée de l'homme. En réalité, il y avait un être qui s'est divisé en deux, créant le mâle et la femelle. La femme, elle n'est pas là pour occuper l'homme. La femme, elle est physiquement réceptive. L'homme est donneur physiquement, hein, on le sait. Elle est vitalement donneuse, elle donne la vie. Elle vit plus longtemps que l'homme, puis elle est plus endurante que l'homme, physiquement. L'homme, il est récepteur vitalement. C'est ça qu'il a besoin du sexe. Elle est émotivement, astralement réceptive. Elle a donc besoin d'affection. L'homme, il est donneur. Fait que l'homme donne des ordres, donne des coups. Elle est mentalement donneuse. L'homme est mentalement récepteur. Donc, la femme invente le décorum, la vestimentation, l'esthétique. Et l'homme, ben, pour avoir le sexe, il s'exécute. La femme, elle n'est pas là pour occuper l'homme. L'homme n'est pas là pour occuper la femme. À un moment donné, il n'y aura plus ni homme ni femme, ça va se rescinder, ça prendra le temps que ça prendra. Et c'est pourquoi encore l'homme recherche la femme pour un paquet de motifs émotifs et théologiques, évidemment procréatifs. La femme, elle n'est pas un passe-temps, l'homme n'est pas un passe-temps. Conférence est terminée. Mais la semaine prochaine, nous parlons du stress. Le stress, ce n'est pas juste le fait d'avoir peur et de checker. Le stress, c'est une grande mécanicité qui oblige l'humain à rester pogné comme il est pogné, de façon à ne pas voir les conditions de son évolution. Vive sans le stress. Si ça vous intéresse, n'ayez pas peur. Soyez pas stressé. À la semaine prochaine.